Momomomout. Allez, salut à tous, nous sommes en direct, welcome. Oula, il y a un truc qui est en train d'exploser dans le studio. Faut que tu baisses les retours de ton côté, mon chéri. Il aime pas Motus. Mais ouais, vous avez mis les retours. C'est de ma faute en plus, c'est de ma faute. Oh là là, Goustique. C'est vrai, c'est vrai. Alors déjà qu'il nous a fait une casserole dans le tram, Goustique. Non. Je vais vous raconter ça dans un instant. Bref, on est en direct, j'espère que vous allez bien. On est parti pour 1h30 de jeux vidéo. On va essayer du moins. Et de bonne humeur, ça, ça fait plaisir. Mais quel kiff de vous retrouver tous les mardis. C'est un truc de ouf. C'est bon, tout le monde est prête? C'est bon, je pense. Je suis prête. Oui. Ah, et tu vois, on en parlait ce matin sur un stream avec Alec Moumout. Eh bien oui, on a fait le début de l'émission sur Momomotus. Oh la classe. Eh oui, parce qu'en fait, sur les streams, on a notre ami Moumout qui est un petit peu... On est tous un petit peu à cheval sur l'orthographe des viewers. Et donc on l'a appelé Momomomout. Et donc je lui ai dit, on fera le lancement sur Motus. Voilà, vous savez tout. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, patate de dingue, ça va mieux. Ça va mieux que la semaine dernière, dirons-nous. Tiens, juste avant de présenter mes petits camarades, je voudrais faire une dédicace à la jeune fille qui a vomi dans le tram. Ouais. On l'embrasse. Casse dédi, c'était assez sympa, heure de pointe. En plus, tu sais, ça arrive tout le temps quand c'est l'angoisse. Ouais, genre, tu sais, quand le tram, il arrive à cul d'un autre tram qui est déjà au quai. Donc, il s'arrête à mi-chemin entre deux quais. Donc, il peut ni avancer ni reculer, tu vois. La classe. Et puis là, d'un coup, alors au début, je pensais que c'était Goustique. Parce que ça lui arrive. Il y a Dandy qui vient d'arriver. Ça, la dernière fois, il nous a fait un petit caca culotte en venant dans le tram. C'est vrai? Eh oui. Ouais, c'est tu vrai. T'es chié dessus? Ouais. C'était la première de la saison 2 d'Amonique. C'est que ça m'est jamais arrivé depuis que je suis gosse, quoi. Oh, non, sûrement que si, mais tu te rappelles pas, quoi. Je m'en rends pas compte. Je pense qu'on a tous fait popo culotte. Bon, bref, toujours commencer l'émission en parlant un petit peu popo culotte. Ça fait toujours plaisir. Bon, il y a Dandy qui vient d'arriver, tiens. Et puis, on va. C'est comme à la maison. C'est ça. Salut. Yeah. Salut. Alors, attends, fais juste gaffe. Jamais en retard, toujours à l'heure. Ouais, c'est vrai, pile poil. Et ouais, il y a des bouchons, quoi. Soit je viens pas, soit je suis à l'heure. À 30 secondes près, ça passe. Yes, et puis tiens. C'était un trop pourri, là. Ah, mais ça, c'est la magie. J'ai juste entendu l'intro et après, j'ai dû courir. Ça y est, je les laisse tout seul 30 secondes et puis c'est le bordel. Bref, tiens, je vais vous présenter pour nos chers auditeurs. Tiens, bah, il y a Dandy qui vient d'arriver. Comment ça va, mon poulet? Bonsoir. Bah, ça va plutôt bien. De retour de vacances, donc bon. Oui, c'est vrai. Un peu mieux reposé, on va dire. Yes. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais couper la merde qui tourne derrière. Hop, et puis on va se mettre notre musique normale. Ah, on va retrouver la cantina. Ça y est. Ah voilà, là j'ai l'impression de retrouver mes habits après une longue traversée du désert complètement nu au Cap d'Agde. C'était très imagé. Un peu trop. Un peu trop. Tu t'as passé une bonne semaine vidéoludique? Ouais, plutôt. Ouais, ben j'ai réussi enfin, parce que grâce aux vacances justement, à terminer Metal Gear. Oh, ah joli. Attends, tu l'as platiné? Ah non. Faut quand même pas déconner. Attends, et le mec quoi. Non bah attends, non, j'ai pas eu le temps, ça va. Attends, t'as eu le temps pour platiner The Witcher 3? Il m'a fallu la semaine rien que pour le terminer, et encore même pas à 100%. D'accord. Je l'ai terminé, je l'ai qu'à 64%, donc il me reste encore du boulot. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et pourtant, vous le savez, j'y joue tout le temps. Ah ouais, non mais c'est clair, c'est un acharné, c'est un truc de ouf. Donc non, il fallait absolument que je le termine parce que je me suis dit, si je termine pas Metal Gear et que je commence Fallout, ça va pas le faire. Ouais. Et oui, c'est clair. Donc j'ai terminé Metal Gear, donc je me suis dit, bon allez, je me mets à Fallout. Donc je l'ai commencé hier soir. J'ai joué 2 heures et en gros, il m'a fallu 1 heure pour mon personnage. Ouais, voilà. À Fallout ah ouais, tu Désolé, et j'avais pas mon casque, j'ai pas entendu, je me mettais tout nu. Et 1 heure pour juste checker tous les moindres trucs dans la maison, quoi, au début. Ah ouais, ah ouais, voilà. Donc en gros, il est pas arrivé, quoi. Moi j'ai vu, palmarès de la personnalisation des persos avec les persos les plus dégueulasses. Tu peux faire des trucs franchement dégueulasses. Tu peux faire des trucs moches. Tu peux t'amuser. Tu peux te faire des balafres plein la gueule, un nez infecté, enfin des trucs dégueux, quoi. Ouais, carrément. Presque ton sosie. Et pour toi ça. Mais on en parlera tout à l'heure. On a un bon programme ce soir encore. Et puis Goustique. De quoi? De mon sosie, on va parler. Oh oui. J'étais pas au courant, putain. Là, maintenant tu le sais. Voilà. Comment ça va, Goustique? Eh ben écoute, ouais, ça va. Ouais, ça va. J'ai eu un petit peu des ça va. Ouais, des hauts et des bas, quoi. Voilà. J'ai eu un petit peu des hauts et des bas ce week-end, surtout en revenant à la maison, quoi. Oh. Donc, mais je vais pas rentrer dans les détails, quoi. Il y a eu aussi caca. Non, il y a eu vomi culotte là. Oui, il y a eu vomi culotte. On ira s'allonger sur un divan et puis tu me OK, très tout. Bien. C'est 150€ l'heure, c'est ça? Ouais, comme la dernière fois. Mardi le 15. Ouais, et puis en nature, c'est bon, sinon vous êtes à la radio, les mecs. Très bien. Bon, c'est pas grave. Écoute, cette semaine, j'ai joué à Need for Speed. Ned Attention, ouais, parce que c'est, il met un point d'honneur. Ouais. T'incarnes Ned Flanders. Mais c'est ça, en fait, c'est ce que je lui disais. C'est qu'il met un point d'honneur toute la soirée. Je l'ai corrigé et tout. Il voulait pas. C'était Ned Force Speed. Donc du coup, j'ai plein de bleus sur les genoux. Et sinon, j'ai joué à Sleeping Dogs. Yes. Et comme le disait notre ami Jackie Concorde, on a plus de nouvelles. Et il jouait à Besoin de Vitesse. Ah oui, besoin de vitesse pour Switch Hold. Pour Switch Hold. Ah oui, non, et puis sinon, après, j'ai pas fait grand chose. Enfin voilà quoi. Ma petite vie au quotidien, quoi, tout simplement. Comme... Ah, voilà. Ah, la triste tête. Comme je t'envie. J'adore sa life. Ne pas faire grand chose, ça doit être génial. Oh oui, c'est magnifique. Oh, oui. Oh mais ça va vite changer, tiens. Il a appris qu'il bosserait, tiens. Alors, c'est un magasin dans Bordeaux, ça commence par FNUT, ça finit par HAC. Ouais. Ah ouais? Ah merde! Et vu que j'y bosse aussi, moi, ça a été confirmé, on va se voir le vendredi et samedi. Que les vendredis et samedi, juste. Ah ouais? Alors, je t'explique pas le foutoir dans le magasin. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, en fait, je vais faire de l'animation sur les caméras GoPro, en fait. Oh, oh c'est cool! Non, voilà. Mais c'est cool! Puis en plus, à tu chaque fois que t'as de l'argent. Tu sais qui fait l'avion à la FNAC? J'ai déjà préparé en plus. Hein. Non, mais ce qui est bien, c'est que Goustique, à chaque fois que genre il taffe et qu'il gagne des sous, genre il a plus aucune excuse pour ne pas me payer des trucs quand on est tous les deux, tu vois. Alors écoute, du coup, là, écoute mon cher ami, tu demanderas à ta nana de te donner de l'argent parce qu'elle peut te payer une PS4 et une Wii U, donc maintenant je ne suis plus. Non, ta mais pension. Si, ça va être toi. Il a pas dormi, il a pris un bon parti quand même, Eki. Hein. Ouais, t'en fais pas. Attends. Et puis derrière, il est là. Comment ça va, mon poulet? Mais écoute, ça va très bien. J'en ai profité, moi, cette semaine pour jouer un peu plus à Assassin's Creed. Ouais. Voilà, parce que c'est. Non, mais voilà, il est pas top, mais bah, franchement, c'est le genre de jeu clairement que je peux faire sans trop réfléchir parce que tu cours sur les toits et t'assassines. Bah, voilà, sinon, c'est pas Call of, hein, Pierre. C'est ça. Vis ma vie de couvreur. Et Call of ce soir, mais j'ai aussi beaucoup joué à Need for Speed. On en parlera un peu plus tard, mais moi j'ai bien kiffé. Voilà. Yes. Voilà. Et puis il est là. Il est beau. Ça faisait un moment que je voulais qu'il vienne dans l'émission. Il est en vacances. Comment ça va? Y a Raptor qui est venu nous voir. Mais ça va. Ouais. La classe. Ouais, impeccable. Yes. Alors Raptor, hein, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés sur des streams. C'est ça dans l'idée, hein, ouais. Chez nos amis de Geek Inc. C'est ça. Vous streamiez donc sur Geek Inc pour la voix du geek. Carrément. Sur avec Kogu. Est-ce que c'était sur Lego? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'était la Thanas. Le fameux Lego avec la couleur peinture verte. Ça vous a tenu 25 minutes. On a un témoignage ce soir. Biggie 7. On a trollé très gentiment et puis voilà, le feeling est bien passé. Donc carrément. Voilà. Puis Geeking, moi que j'avais rencontré au BGF. Bah, comme nous en fait. Voilà. Donc en fait. Ça du coup voilà, on presse pas les choses, mais la semaine prochaine, on se met tous en coloc. Voilà. Bon, il y a plus de place. Il y a plus de place. Et puis toi, tu kiffes bien le pixel art, tiens. Ouais, entre autres, oui. Il fait des streams de pixel art. Oh, voilà, ça m'arrive. C'est original en plus. Je vais essayer de faire surtout pixel art une fois tous les 15 jours. Ce qui me permet de le faire, de le coller, tout ça, bah, ça prend pas longtemps, mais il faut avoir l'inspiration aussi. Quel modèle je vais faire? Pour libérer les plaques, pour pouvoir continuer, parce que moi j'ai toujours mon Vault Boy qui attend sur ces 6 plaques, donc il va falloir que je le colle. Ah oui, c'est un sacré pixel art. Voilà, voilà. D'accord. C'est assez grand. Alors c'était très radiophonique, c'est la longueur d'un bras. Oui, la longueur de l'avant-bras. D'un demi-bras. De l'avant-bras. Et du coup, voilà, enfin tous les 15 jours justement pour avoir le temps de choper des modèles, si les gens ils ont des idées, faire des petits cadeaux à gauche à droite, enfin ça plaît toujours. Voilà. À la grand-mère pour Noël, tout ça. Ah, un pixel art au-dessus de la cheminée, à côté du, tu sais, du canevas avec le cerf au petit matin là. Ah bah c'est la même chose mais en perles. Oui, tu sais que c'est pas faux au final. C'est un petit peu du, ça. C'est du canevas 2.0. Mais c'est exactement ça avec du pétrole. Du plastique. Quoi. C'est vrai. C'est pareil. Hein. Et yes. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là. N'hésite pas à réagir et tout. Parce que t'as essayé Fallout aussi, donc on va en parler tout à l'heure. Ouais. Et puis moi, j'ai eu une petite semaine aussi. On a découvert, tiens, Magicka 2, qui était un jeu, un jeu qui était offert sur PlayStation Plus. Ah, alors est-ce que c'est l'espèce de truc moyenâgeux avec le trailer, c'est une parodie de Game of Thrones? Si, exactement. Et ben, figure-toi que j'ai pris le PlayStation Plus du coup, que j'ai regardé les jeux de ce mois-ci et que le trailer m'a tellement pris la tête que j'ai pas voulu le télécharger. Ah merde. Et ben, tu sais qu'on s'éclate comme des petits fous dessus. Bah ouais. Pour les auditeurs, c'est un jeu où on incarne chacun un magicien. Ça peut jouer jusqu'à 4 en coop. Alors je vous explique pas le merdier. Et puis au final, on gère un petit peu les éléments, le feu, l'eau, la glace, la terre. Ouais. Et en fait, sous notre personnage, on a 5 petites perles à remplir. Si on la remplit genre 5 fois d'électricité, on tire de l'électricité. Et si notre collègue fait un autre sort, en fait, on peut croiser les flux. Oh, et donc génial. À 4, tu fais un gros tir laser de dingue. Un gros flux. un gros flux. Voilà, un gros flux. Et non, franchement, c'est énorme. Et bon, en fait, les ennemis, et vu que t'as tous les éléments, si ton ennemi tu l'arroses et que l'autre il fait de l'électricité, vous voyez ce que ça, clo-clo, quoi. Ouais. Qu'on embrasse. Mais d'ailleurs, juste pour en revenir à la PS4, parce que moi ça fait pas longtemps que je tenais aussi à féliciter Sony quand même, parce que leurs manettes elles sont plutôt résistantes, étant donné qu'il y en a une des miennes qui a passé bien 10 minutes dans un bol de lait. Ah ouais, 10 minutes. En fait, je t'explique, je suis parti aux toilettes et quand je suis revenu, en fait, le chat a dû faire tomber la manette dans le bol de lait. Et quand je suis revenu, j'étais sur mon ordi et j'ai mis bien 5 minutes à capter qu'elle était dans un bol de lait. En fait, il mangeait, il fait bon, sans perdre les pompettes, c'est un gros choc à pic, quelle heure. Et du coup, je l'ai enlevé, je l'ai testé, elle marchait nickel. Donc félicitations Sony, franchement, c'est la bonne cam. Bah, elles sont particulièrement étanches. Voilà, c'est ça. Yes. Alors moi, pareil, j'ai joué à Need for Speed et à Fallout. On va vous en parler dans un instant. Et puis tiens, je fais juste une petite dédicace à Mini Pouce, qui était sur le stream de ce matin et qui m'a dit si tu laisses appuyer sur rond, t'as une lampe torche. Parce qu'il me voyait tourner en rond dans un truc. Je jouais sur le Projo en fait. Et puis j'ai pas vu la porte. Il fait si tu laisses appuyer sur rond. Enfin moi je l'ai lu comme ça, avec ce ton là hein. Il avait l'air un petit peu exaspéré. 90 personnes sur le stream aujourd'hui sur Fallout. Bienvenue au nouveau si vous écoutez ce soir. Tiens, avant de commencer, j'ai un petit toc toc toc. Toc toc toc. Qui est là? Qui c'est? C'est Colline. Colline qui? Quelle façon de voir la vie. Oh là là. Spéciale dédicace à toi mon copain Goustique. On va tester Caravan for Speed après. Ah bah t'es sûr. J'attends le DLC Clermont-Ferrand là. Ça va drister à mort mon copain. C'est limite ça leur jeu d'acteur en plus. Ouais non c'est pas faux. On débriefera ça tout à l'heure. Qui joue mieux quand même. Dans cette T'as vu qu'il est malade. Ah bon. Je t'ai envoyé une taupe. Ah oui oui. Alors j'aime bien oui, parce que Goustique je vais me mettre à faire ça, mais je lui ai envoyé un petit peu des nouvelles de Kenji, tu vois. Ouais. Genre j'ai vu sur la couverture de Voilà, pour pas citer la marque, qu'il est un petit peu malade. Alors j'ai pris en photo, je l'ai envoyé à Goustique pour pas qu'il s'inquiète. C'est vrai que ça faisait deux jours que je le voyais plus quoi. Ça, donc, tu t'inquiètes pas trop. Ça va. Il a mangé du igloo donc il va bien là. Bon ouais. Bref, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va y faire? On va se faire toutes les news jeux vidéo de la semaine. À l'admis, on va s'écouter Wild Bell. Tiens, c'est Goustique qui a choisi ça. Ouais. Mais Give Up on You. Give Up on You. Ouais. Ça a l'air pas mal du tout. J'ai abandonner sur toi pour les francophones. Voilà. Okay. Merci. Ne t'abandonne pas sur toi. Oh. C'est un peu ça. Et puis après on parle de Fallout et puis à 20h on s'écoute Kavinsky. Kavinsky feat The Weeknd. Yes. Voilà. Du bon son de l'électro, on va vous passer ce soir dans l'émission. Puis, ça fait plaisir. C'est le bon son pour jouer à Need for Speed notamment parce que bon, on en parlera plus tard mais la playlist merci. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la mettra pas ce soir, on mettra autre chose à la c'est place. Clair. J'ai envie de dire hashtag Fun Radio. Hein, ah bah on les embrasse. Voilà. Et puis du coup, et ben bah, en dernière partie d'émission de 20h à la demi, on va se faire le test de Need for Speed, de besoin de vitesse. Comme disent nos amis de Belgique qu'on embrasse. Parce qu'ils nous écoutent pour sûr de Belgique. Bah bien sûr. Ils jouent au jeu. Mais les titres sont en français. C'est un truc de ouf. Je vois bien la jaquette avec marqué besoin de vitesse. Ah, besoin de vitesse pour Switch. Avec une baraque à frites en arrière-plan. Parce que Ghostek en ce moment il joue au chien qui dort. Mais pour sûr, juste une fois. Alors on s'envoie la musique des news. On fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Qui s'y colle? Allez. Je m'y mets. Allez, cette let's fois-ci, go. C'est moi qui vais vous parler de cinéma. Ah, bah, je pense qu'on a tous les mêmes news. Attention. Ouais. Non, mais moi, je vais vous parler de cinéma pour deux raisons. Parce que j'y suis allé déjà récemment, alors que ça fait un moment que j'avais pas foutu mon cul dans une salle. Je suis allé voir. Bon, ok, tout le monde va me faire du ou. Je suis allé voir Paranormal Activity. Mmh. Voilà, ok. D'accord. Ah ouais, non, j'avoue. Alors, franchement, c'était en 3D. En fait, juste pour resituer un petit peu Dandy dans la hiérarchie cinématographique, il est dans la voie du geek. Il a pas vu aucun Star Wars. Voilà. Oh, voilà. Putain, merde. Par contre, je suis allé voir Seul sur Mars. Ah, ah mais moi aussi. Alors, et je me suis senti y a que moi, quoi. Seul au cinéma. Ah bon? Est-ce que t'étais tout seul? Non, il y avait du monde, mais enfin voilà. C'était juste pour la vanne. Ouais, voilà. Ah, merci, Goustique. Ça t'a plu ou pas? C'est sympa, mais c'est un peu mou du genou, quoi. Ouais. Bah, en même temps, le mec est seul. Non, mais ouais, t'as, enfin voilà quoi. Si t'attends des effets spéciaux de dingue ou quoi, mis à part des plans larges, t'as rien, quoi. Enfin, d'accord. Ouais, c'est plat, qu'il est long. C'est plat. Ça vaut pas Interstellar, quoi. D'accord. Ah merde. Ah ouais, non, clairement pas. Hein. Bah, c'est Interstellar marrant, à côté, parce que c'est dingue. C'est marrant de voir à quel point les space opéras c'est redevenu à la mode en plus ces derniers temps. Entre Gravity, entre Interstellar, Seul sur Mars, ça arrête pas, quoi. Et donc, pour balancer un petit peu de news, j'ai eu la grande surprise, c'était une très bonne surprise, Mister Goustique, de voir qu'il y avait apparemment une adaptation de The Witcher. en film qui allait être faite pour. Alors, je pense que ça devrait sortir pour 2017, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ce que j'avais noté aussi. On a également eu une news d'Activision qui apparemment veut. Alors, voilà, Call of Duty. En faire un film, en faire un film, ouais, faire un film. Ouais. Ouais. Étant donné que leur spot pub leur a coûté plus que ce qu'il fallait pour faire le jeu, je pense qu'ils se sont pris au goût en fait de faire des films. Ils se sont dit peut-être qu'on sera meilleur là-dedans. Ouais. Ouais. Sans doute. Et pareil pour Skylander, donc qui serait une série animée qui s'appellerait Skylanders Academy. Tu vois bien, tu le sens le truc là comme il est bon. Je sens surtout les produits dérivés là. De quoi? Team Pokémon, acheter nos figurines. Ah oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc là, pour le coup, on parlait la dernière fois des Transformers où tu as eu. Alors je sais plus, c'était d'abord les jouets et après le dessin animé. C'est ou ça. L'inverse. Non, c'est ça. Bon, ouais, voilà. Ben là, pareil. T'as les jouets et en fait, ils se disent bon, les parents ils commencent un peu à en avoir plein le cul d'acheter que des Skylanders. C'est en train de baisser. On va faire du dessin animé, ça va repartir. Du coup, on va les mettre tous les madins devant. Voilà, devant exactement. Sur tes fous. C'est ça. Donc voilà, la petite news cinéma. Ok, vas-y Caustic. Ah, tiens, je fais une petite parenthèse à Moumoud qui nous écoute et qui fait Momomotus, le chat à bon dos. Eh ben écoutez, moi je vais vous parler de Star Wars. Alors, c'est étonnant. Quoi de plus original, j'ai envie de dire, à cette période. Je vais vous parler de Battlefront parce que, attention, il met des mots plus forts que les autres. Il appuie. Attention, les amis. J'ai pas de roulement de tambour, c'est con. Alors, j'ai acheté un petit tambourin tout à 2€. Ah bah écoute, vas-y, on ira ensemble. Alors, attends. Alors, on a appris aujourd'hui les poids officiels. Stop, PS4, Booba. PC, Xbox One. Alors, sur PC, c'est 27Go. Ok. D'accord. PS4, c'est 23Go. C'est correct, hein. Ouais, ça et va. Xbox One, c'est 19 gigas. En même temps, il n'y a pas de campagne. Ouais, mais franchement, je m'attendais à plus. Non, mais faut arrêter de s'attendre à plus dans le sens où si un jeu il est bien optimisé et si un jeu il est bien fait, il pèse pas trop lourd, quel que soit le contenu du jeu. Mais m'engueule pas là. Non, mais qu'est-ce que t'as là, tout d'un coup là. C'est pas contre toi, mon petit. Je travaille pas chez EA Games, bande de merde. Après ce fou week-end qu'on a passé ensemble, non, c'est juste vrai. Pour expliquer que il y a beaucoup de, c'est en général les mêmes mecs qui gueulent parce qu'il y a pas 60 FPS sur un jeu à la troisième personne et qui comprennent pas trop ça. De quoi ils parlent. Voilà, c'est que un jeu qui fait pas 60 gigas, tant mieux en soi. Ça veut juste dire qu'il est bien optimisé. Oui. C'est bien. T'as dit en soi, c'est pas moi qui le dis. En soi, voilà. C'est ça. Eh ben tu vois, oui, et la gomme magique, il fait 100 mots. Mais personne n'en parle. Mais c'est pas fini. Mais il a pas de bug. Parce que Manews n'est pas fini. Il a pas de bug. Manews n'est pas fini puisque, comme vous savez, à la sortie de Battlefront, il y aura la PS4 aux couleurs, enfin au design de Dark Vador. Oui. Oh. Eh bien, pour ceux et celles qui ont une PS4 comme moi, comme Dandy, comme le reste de l'équipe, eh bien, vous pouvez vous procurer la manette Dark Vador. Non merci. Alors on connaît pas encore le prix, mais je pense que ça sera 80 boules, c'est-à-dire pour de vrai. Non mais vu que c'est inédit, je pense que ça sera de l'édition limitée comme la PS4 et voilà. Attention les gars. T'imagines les boules, si j'avais su, franchement, je l'ai depuis pas longtemps moi ma PS4. Mais surtout c'est. Bah tu lui dis, tu pouvais pas attendre un peu avant de me l'offrir aussi. Bah tu lui dis, t'as pas le ticket de caisse, chérie. Elle va comprendre, t'inquiète oui, pas. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc voilà, Becky, vas-y. Ok, ben moi je vais vous parler de Monster Hunter X et de Zelda, étant donné qu'ils ont décidé de faire un crossover. C'est sorti il y a pas longtemps, c'est ça, du 9 novembre, que ben du coup en fait, tu sais, dans Monster Hunter X, t'as un espèce de petit chat qui te suit partout, qui pouvait avoir l'apparence de, par exemple, t'avais l'apparence d'un des personnages d'Animal Crossing. Enfin, il s'éclate bien avec les crossovers. Et du coup en fait, ben le problème c'est que là ils ont décidé d'adapter le Link de Wind Waker sur le skin du chat. Du coup, ça veut dire qu'en fait, t'as un petit esclave Link de Wind Waker qui marche comme un chat et qui a les mêmes animations que le chat, sauf que c'est Link qui te suit. Et voilà, ça sort dans quelques semaines et vous pourrez bientôt jouer à Monster Hunter avec un Link esclave qui vous suivra. Voilà. D'accord. Pas mal. Oui et non, parce que bon, clairement, ces graphismes 3DS, déjà ça commence de plus en plus à piquer les yeux quand même. Oui. Parce que on aura beau dire qu'elle soit XL ou pas, ça fait mal à la rétine. Je vois pas de quoi tu parles. Et là en soi, en plus le skin, il est pas fait pour être adapté, clairement. Ils ont fait ça, ça a dû leur prendre, je sais pas, 3 jours pour faire ça quoi. Okay. Du coup, c'est marrant, on va dire. Voilà. Ok. Et eh ben moi je vais vous parler de Darksiders 3. Tiens. Alors on s'en doutait un petit peu pour qu'il ressorte le deuxième épisode en remastered. C'était un petit peu déjà pour remplir les caisses, on imagine bien. Puis c'était peut-être pour rappeler un petit peu la licence au bon souvenir des joueurs. Mm-hmm. Donc et oui, comme par hasard, le 3 est en développement et depuis longtemps en fait. Donc voilà, on n'en sait rien, on sait rien de plus pour l'instant, mais le 3 est en développement. On se posait un petit peu la question, et puis maintenant qu'on sait que que le 2 est sorti en remastered, on peut plus plus d'hésitation. Donc voilà, moi Darksiders j'aime beaucoup. Le 2 j'ai levé le pied parce que c'est dur, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est dur. T'es en mode extrême aussi. Ouais. Ça fait mal, mais ça passe. Mais voilà, Darksiders 3. Donc on sait pas qui sera le personnage pour l'instant, c'est que dalle. Mais on verra. Affaire à suivre. En espérant qu'il prenne moins de temps qu'Half-Life. C'est ça. Et puis tiens, juste une petite virgule aussi, juste très rapidement, Borderlands Online qui a été annulé. Oui. Alors c'est pareil, ça devait rester qu'en Chine. Alors je sais pas pourquoi, parce que les Chinois sont très friands de free-to-play. Donc on verra jamais. Déjà qu'on aurait eu très beaucoup de mal à le voir chez nous. Bah là il a annulé pour de bon. Et ils ont fermé le studio aussi. Oh, oui, ça fait chier. Donc voilà, Borderlands Online, c'est con. Parce que, mais moi je me voyais déjà. Hein. Ouais, c'est clair. Ah non, c'est mais attends, faux. Mon gars. Mais là, c'est un truc de ouf. Hein. Moi je revends la maison et tout. Hein. je te jure. M'étonne. Garde que le pro jour. C'est vrai que c'est dommage. Après, il était normalement réservé à la Chine en plus, il me semble. Qu'à la Chine, ouais. Ouais. Et à la Corée. Et tant mieux, ils l'auront pas au moins. Gna gna gna gna. Si on l'a pas, vous l'avez pas. Non, mais bon, voilà. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Allez, Dandy. Alors moi je vais vous parler, alors juste d'un petit truc un peu hors sujet, bon pas tellement parce que je vais parler du Call of Duty, du dernier. Si je vais vous parler, il y a des promotions sur les enrouleurs de tuyaux d'arrosage. J'ai été assez étonné en rayon tout à l'heure parce que je débarque, hein, j'arrive tout juste de vacances, donc je prends pour ranger en rayon une boîte de Call of Duty Black Ops 3 sur Play 3. Donc il y a exactement la même version que sur Xbox 360. Non, mais il y a pas le mode histoire. Et il y a pas de mode histoire. Halluciné, je me suis dit il y a que du multijoueur. Donc le jour où ils zigouillent, où ils arrêtent les serveurs, les mecs son jeu, il peut le revendre quoi. C'est il sert ça. À rien. Il le revend à qui? À un pigeon. D'ailleurs, au passage, sache que la version PC, ça c'est en train de faire la même chose que Batman, c'est pas jouable, il est retiré de vente. Ah oui, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, petite info de dernière minute. Qu'est-ce qui se passe avec vos ordis à la con? Attends, moi j'ai pas de problème. Batman, j'ai toujours pu y jouer. Je l'ai fini. C'est bizarre. Écoute bien, là c'est la petite info de dernière minute. Voilà, attention, ça vient de tomber. Avant de partir du boulot. Ça vient de tomber sur mon téléscripteur. Il y a StarCraft qui est sorti, le dernier là. Et attention les mecs. Oula, attention. Tu sais qu'elle a toutes les boîtes. Moi j'ai les boîtes. Dans toutes les boîtes, normalement t'as ton truc pour installer ton jeu, t'as ton serial code. Mais en fait, dans aucune des boîtes, t'as le serial code. Donc quand tu rentres chez toi, tu veux installer le jeu, il te demande le code et personne peut le rentrer parce qu'ils y sont pas dans les boîtes. Parce qu'ils l'ont oublié. Ah bah ouais. Voilà. Donc en gros, va falloir que je renvoie tout un paquet de jeux parce que t'as pas les serial codes dans les boîtes. Mais attends, c'est surtout, enfin, tu vois, c'est comme les gens qui vérifient les CD neufs. C'est hyper rare, ça doit être 1 sur 1 milliard de CD que t'achètes, de DVD qui est rayé quand tu l'achètes. C'est une machine. Faut imaginer que c'est une industrie qui fabrique des milliards de disques de CD à la journée, quoi. Et comment tu peux oublier un papier, c'est Jean-Jean, faudra pas que t'oublies de rebourrer la photocopieuse des trucs. Il y a plus de papier dedans. C'est tous, hein. Apparemment, ah bah merde, il est parti en week-end. Le mec nous a dit, il a acheté, il est revenu, il a dit ouais, mais il y a pas de code dedans. Et il est parti sur internet regarder, et apparemment, ils sont tous comme ça. Je suis sûr que le mec, sur le coup, il s'est dit, ah merde, il a essayé tous les codes qu'il y a sur la boîte. C'est le code barre, le truc, tous les numéros dans l'ordre, il les a rentrés. Attends, c'est pas ça. Peggy 12 plus, je vais marquer. Donc voilà, alors outre ça, sinon je vais en parler parce que je l'ai terminé il y a pas longtemps, Metal Gear, donc le dernier. Alors j'ai été assez choqué par la fin. Je suis désolé, je vais spoiler. Non, attention, spoiler les gens. Non. Je coupe son micro. Vous l'avez fait ou pas? Non, je vais pas y jouer, mais non. Au pire, je coupe son micro pendant qu'il dit. Oh la tannée quoi. Non mais c'est bon, je vais pas spoiler. En gros, à la fin tout le monde meurt. Non, il se passe un truc à la fin où t'as les boules. voilà, non, t'as vraiment les boules. T'as vraiment les boules. En gros, il y a une scène de cul quoi. Non, c'est pour ça que t'as les boules. Non, j'ai pas dit t'as les boules dures. J'ai dit t'as les boules. T'as les boules parce qu'il se passe un truc qui est un peu irréversible dans le jeu. Et une fois que t'as terminé ton jeu, tu te dis ah merde, mais comment je fais là maintenant? Et du coup, il y a une pétition qui est sortie pour que ce truc irréversible puisse faire machine arrière. D'accord, et pour que tu puisses continuer à jouer au jeu après Bah, d'une manière spécifique, si tu veux. Putain, c'est dur de pas spoiler, merde. Et là, en fait, je viens de voir tout à l'heure, pareil, sur mon téléscripteur, comme tu le disais si bien, qu'apparemment, il y a eu une mise à jour récente, là, d'hier, je crois, ou d'aujourd'hui, qui permet justement, qui rajoute une mission antécédente à l'événement qui fait chier, et qui te permet, en fait, de changer le cours des choses. Je vais spoiler. Ouais, c'est un jeu pas fini, quoi, c'est ça. De changer, si tu veux, le cours du truc pour éviter que tu sois blasé à la fin. Ok. Voilà. D'accord, en fait, c'est une fin alternative. Pas vraiment. Parce que, non, la fin reste la même. J'ai l'impression d'être dans Kaamelott, quoi. Sauf qu'en fait, il se tue pas par arme à feu, il se cogne, il se fait mal au front. J'ai l'impression qu'on a le coup du lapin. On a Perceval à ouais, côté, en fait. Ouais, bah, voilà. Mais je suis Perceval, je suis son cousin. Donc c'est gratuit, non, voilà. La mise à jour ou c'est un DLC? Et la mise à jour est gratuite. Ah, donc voilà, les gars, un petit DLC d'une mission, c'est cool. Ouais, c'est clair. Ouais. Heureusement que ça coûte pas 20 euros, quoi. C'est ça. Voilà. Oh, tu sais. Oh, bon. On sait jamais, quoi. Bon, vas-y, Gostik. Clément a pris Mad News sur Call of Duty, mais c'est pas grave. Qui est Clément? Je sais pas. Je ne sais pas qui est Clément. Pardon, Dragnor Lund. Non, je ne sais pas qui est, je ne sais pas qui est Dragnor Lund. Bon, alors, non, ça c'est ton frère. Dandy, c'est bon. Dédé, là. Je vais vous parler de cinéma et plus précisément de Doctor Strange. Putain, donc, je vais pas pouvoir faire mes news, il va parler pendant 5 ans, vas-y. Non, pas du tout, non, ça y est, c'est une news très rapide. C'est que, on a pu voir quelques photos du tournage. Donc on voit Benedict Cumberbatch en pleine action et qui est en plein Népal. Alors ça rappelle un petit peu Batman Begins, en fait, les plans et du coup honnêtement ça donne envie. J'ai vu quelques vidéos qui ont un petit peu sont passées sur YouTube. Franchement ça peut donner du bon. Ça donnera une autre vision de Marvel Studios parce qu'on a l'habitude avec Captain America, Iron Man et compagnie. Ça permettra de voir un autre univers étendu qui est Marvel. Et si ça vous intéresse de connaître si ça vous intéresse de connaître le personnage de Doctor Strange, il existe un comics. Il y a eu le relaunch il y a pas longtemps de Marvel. Et si vous aimez la VO, si vous avez envie d'apprendre l'anglais, eh ben lisez le premier numéro de Doctor Strange. Ça revient sur les origines de ce personnage. Et puis voilà. Okay. Yes, et moi l'acteur là, Benedict Cumberbatch, je kiffe ce mec. Ouais, il a vraiment une gueule, quoi, une gueule du cinéma, quoi. C'est clair. Il est très bon. Ok, ben moi je vais vous parler d'abord une toute petite news, une petite annonce est tombée aujourd'hui sur le Twitter de Nintendo of America. Un Nintendo Direct est prévu pour le 12. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'attendait, étant donné qu'il n'y a aucun Nintendo Direct qui est paru depuis la mort de Satoru Iwata. Oui, c'est vrai. Oui. Et surtout parce qu'on attend des bons jeux sur Wii U et sur 3DS et qu'on sait toujours pas quand est-ce que ça vient. Et on est un petit peu inquiet, on est sans nouvelles. Bon, on s'est fait souffrance, hein, sur Star Fox, on avait bien compris que ce serait pas quoi Star Fox. Ouais, bah on a Star bien Star Fox. Ah, bah c'est ça, on a bien compris que ce serait pas génial. Du coup, on attend à ce qu'il y ait des meilleurs jeux qui soient annoncés, notamment un peu plus sur le prochain Zelda. Et au-delà de ça, je vais vous parler très vite fait de la censure dans le jeu vidéo, notamment dans Street Fighter V, étant donné qu'il y a eu suite à la bêta pas mal d'animations qui ont changé. Bon, vous connaissez Street Fighter, les personnages sont hauts en couleur. Moi, j'ai toujours trouvé ça de bon goût, même s'il y avait des personnages qui étaient hyper sexualisés. Il y en avait d'autres qui le sont pas du tout, et du coup, je trouvais qu'il y avait un équilibre, et qu'en plus de ça, c'est pas toutes des petites japonaises qui font ya. Du coup, ça le fait. J'ai toujours trouvé Honda hyper sexy. Quoi. Mais c'est ma cam. Quand il fait coucouille. Oh, j'adore. Franchement, le dernier, je le trouve juste magnifique. Ça a rendu que. Sûrement aussi beau qu'on pourrait voir dans un film d'animation. Ah bien. Les persos sont juste magnifiques, les chara design sont excellents comme d'habitude. De toute façon, Street Fighter 5 graphiquement pour moi c'est le meilleur jeu de combat. Et voilà. Et du coup en fait, il y a eu deux persos déjà qui sont fait censurer, dont un nouveau personnage qui s'appelle Rainbow Mika, qui est une espèce de catcheuse en fait qui sort de Street Fighter Alpha 3 et qui en fait avant son super combo qu'on appelle un critical art dans ce dernier Street Fighter, claquait vigoureusement la fesse et de gérer son combo qui était une fois de plus très sexuel. Et du coup Capcom pour essayer de désexualiser un peu le truc a juste changé le plan de caméra pour que ce soit du quasiment hors champ, on voit juste en fait le haut de sa main et la fesse. C'est assez minime, mais pareil, Camille qui, tu sais, qui est la meuf avec le béret, oui, et voilà. Qui a le taser. Ouais, c'est ça. Pareil, son arrivée, tu sais, quand elle arrive sur le terrain, est échangée, puisqu'il y avait un plan où on voyait un peu trop bien son vagin, en gros, mais bien ah, sûr, mais elle est habillée. Non, mais une fois de plus, voilà, le truc, c'est qu'ils l'ont censuré, certes, mais, enfin, quitte à vouloir censurer les trucs, autant le faire vraiment, ou autant pas le faire, parce que, au final, pareil, c'est juste un petit changement de caméra, et il y a un moins long plan sur son vagin. Mais globalement, c'était pas spécialement choquant. J'aime comment il dit ça. Sur son vagin. Non, voilà. Du coup, pareil, Chun-Li, ses mouvements de poitrine ont été baissés, soi-disant que c'était un bug selon Capcom. Et pareil, ils ont modifié le visage de Camille car elle faisait trop occidentale pour le public japonais et elle a donc été rendue plus mignonne. Ouais, pour eux. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu le problème, c'est que Capcom, l'air de rien, ça reste japonais et au-delà de ça, ils font quand même des trucs de bon goût parce que moi, ouais, quand je vois les chara-design de Final Fantasy, je m'arrache les cheveux. Et là, du coup, ouais, j'espère que les censures ne se verront pas trop présentes parce que globalement, ce jeu annonce que du bon, que ce soit artistiquement comme au niveau de l'humour, quoi. Yes. Voilà. Il sort quand? Février 2016. Il sort le 16 février, ouais. Yes, et bon, on en fera le test, et puis sur PS4 et PC. Yes, et puis on invitera toute la bande, là, du TCT ou de la SWGA. Ouais, carrément. Les gros tataneurs, là, on les invitera, ils viendront nous en parler. Ça marche. Bon, c'est cool. On s'écoute le Scud? Allez. Ouais. Allez, il est 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek. Dans un instant, on revient, on vous parle de Fallout 4, qui est sorti aujourd'hui même. Et on vous fait le test de Need for Speed. Il y a déjà Raptor qui se frotte les tétons. Non, peut-être pas, mais cool. Mais pas loin. Pas les tétons. Mais pas loin. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek, et puis nous on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eau-de-radio.net pour le reste de la Gaule. On est toujours en direct, il nous reste une bonne heure d'émission. On va vous parler dans un instant de Fallout 4. Oui. Oh oui. Eh oui, on en est très impatients. Ouh là là. Et puis après 20h, on se fait le test de Need for Speed, besoin de vitesse, comme disent nos amis de Belgique. Et puis, on vous dira ce qu'on en a pensé. D'ailleurs, par rapport à Fallout 4, je tenais à vous dire que moi, je vais attendre de le prendre sur PC pour le faire. Ah, je pense. C'est okay. Bonne idée. Parce que, comme ça, graphiquement, il sera super beau. Ah oui. Ouais. C'est sûr. Du coup, ta gueule. T'as bien raison. Il est pas mal sur PS4, je vois pas le problème. Il est pas mal. On va en parler dans un instant, mais juste avant ça, tiens, je voulais vous raconter une petite blague. Ah, toc toc encore? Non, c'est pas toc toc toc. Alors. En fait, c'est deux chefs de famille qui arrivent à l'aéroport. Et puis il y en a un qui veut passer une chauve-souris à la douane et puis l'autre un putois. Et puis t'as avec la musique dramatique. Avec la musique de Fallout. Et je fais... Mais comment je vais faire? Je sais pas. Et donc l'autre il fait comment tu vas faire toi pour passer la chauve-souris? Oh bah moi ce que je vais faire, je vais me l'agrafer sur le t-shirt. Comme ça on va croire que c'est un t-shirt Batman. Et puis je pense que ça a marché tu vois à la douane. L'autre il fait putain t'es trop fort. Et toi le putois tu vas le passer comment? L'autre il fait bah tu sais quoi, je vais le mettre dans la culotte de ma femme. Puis l'autre il va dire mais arrête mais ça va plus à mort. Ah bah si ça pue trop il sort hein. Oh là là. Oh c'est hardcore. Le pire c'est que putain j'étais sûr que ça, le putois ça allait faire un truc avec la femme ou je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi ça sentait trop arrivé. Je peux me houter si vous voulez. Ouais vas-y. Auto-hout, c'est bien mérité. Voilà. Donc Fallout 4, tiens, on va en parler un petit peu. Alors que je retrouve mes fiches. Donc Fallout 4 qui est sorti aujourd'hui, ça fait un moment qu'on l'attendait. Celui-là, il fait partie des jeux les plus attendus de l'année. Hein. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, tellement tous les jeux qui sortent sont pas des reboots, mais pas loin. Ouais, mais après, franchement, pour Fallout 4, justement, en soi, ça se valait tout simplement parce que ça fait. Je sais pas, plus de 6 ans, je depuis crois 2007. Qu'on l'attend. Depuis 2008. Ouais, c'est un truc, ouais, genre 8 ans, un truc dans le genre, tu vois. Donc, ouais, là, pour le coup, il y avait de quoi être hype, quoi. Yes, c'est une vraie licence, quoi. Enfin, c'est quand on parle d'un studio Bethesda, enfin, ils ont fait, pour moi, ils ont fait une petite bêtise avec leur Tezo, là. Ouais, en s'associant avec ZeniMax. Bon, ça, c'était l'erreur de leur part. Par contre, Bethesda, à côté de ça, ils sont. C'est un vrai studio avec un. Ils sont vraiment très très bons quoi. Ils font vraiment un truc, c'est des passionnés, ça se sent. Ils ont pas fait le Fallout 4 pour juste être sur la vague du truc et se dire on va se faire du pognon. Ils suivent quand même une licence qui leur tient à cœur, contrairement un peu comme Ubisoft avec tout leur Assassin's Creed qui commence un petit peu à s'essouffler parce qu'avec le un jeu par an, bon voilà, là c'est quand même un gros truc quoi. Enfin, ouais, c'est pour clair. Moi Fallout 4 c'est quand même, enfin Fallout c'est une licence qui est depuis des années quoi, c'est pas... Alors après le truc aussi c'est que c'est pas une licence qui est très grand public. Non. Non, c'est assez compliqué. Catégorie RPG, un vrai bon RPG, comme tous les gens qui ont pu tester Skyrim. Enfin, il y en a qui ont pas aimé, mais la plupart, Skyrim c'est trop bien. Enfin, il y a vraiment des fanboys quoi. Mmh. Fallout c'est un peu la même chose. Yes, tout le monde l'a déjà joué. Tiens, on fait un tour de table. Dandy, toi, ton expérience Fallout. La dernière en date c'était New Vegas. Que j'ai bien torché, que j'ai passé des heures. Cette ambiance post-apocalyptique est juste géniale, ce côté RPG, monde ouvert où t'évolues, t'augmentes ton skill. Enfin, je sais pas, c'est vraiment le genre de jeu où tu passes vraiment beaucoup de temps dedans, tu t'investis beaucoup et t'as une réelle impression d'évolution, de t'upgrade ton personnage. Enfin voilà, tu customises vraiment bien dans les bons détails. Moi que du bon quoi. Fallout, yes. Que du bon. Et puis voilà. Mais toujours le même problème, hein, comme dans tous les RPG. Après, comme j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est la création de personnages. Ah, on va en parler. Ouais. Donc toi, clair. Fallout 4, ça fait partie des jeux que t'attendais cette année. Ouais, clairement. Yes. Et toi, Ghostik? Alors moi, j'ai joué qu'au 3. Alors j'ai joué à Fallout Las Vegas. Avec le DLC Clermont-Ferrand. Eh, parce qu'il écoute les frérots de Las Vegas. On les embrasse en plus, quoi. J'ai joué au 3 sur PC avec un pote et au bout d'une demi-heure, j'accrochais pas, quoi. Ouais, c'est spécial. C'est particulier. Mais faut vraiment un bon temps d'adaptation au niveau du gameplay. Après graphiquement c'était vraiment beau sur PC. Bon, mon pote avait un bon PC comparé à moi, mais moi j'ai bien aimé l'ambiance, l'histoire aussi, mais moi c'est le gameplay quoi. Et là j'ai joué un tout petit peu au 4 et c'est vrai que c'est très complexe et je pense que c'est fait pour ceux qui avaient joué auparavant à d'autres Fallout. Ouais, c'est vrai qu'il faut rentrer dans le délire quand même. On en parlera ou après. À ce style de jeu et gameplay. Ouais. Je trouve The Witcher 3, enfin à comparer, c'est des RPG aussi. Je trouve qu'il est un peu moins complexe que. C'est plus accessible, ouais. Et toi, Iki? Mais moi, j'y ai jamais joué en vrai. Ok. Je vous m'étonne pas, j'ai jamais joué à Fallout. Ah non, mais écoute, non, mais c'est pas un handicap. Parce que dans ma jeunesse de jeux vidéo, j'ai été amené à jouer à plein d'autres jeux et ça m'avait jamais vraiment. Je t'emmerde, Dandy. Ça m'a jamais vraiment emballé. Et puis j'ai vu le trailer en fait tout simplement et c'est vrai que je suis un peu monté à bord du hype train comme on dit quand on est bilingue. Pour les auditeurs, il a une testa. Mais comment? C'était de l'humour, mais ouais, ça m'a emballé. Je me suis dit que ça avait l'air bien, qu'il y avait moyen que ça fasse un bon truc. Notamment, en fait, ça m'a emballé quand j'ai vu que il y avait des nouveautés, notamment le fait de pouvoir construire ses villes, tout ça. Alors, ça, on va en parler. Voilà, c'était le truc où je me suis dit pourquoi pas en fait, pourquoi pas essayer quitte à... Et comme pour Metal Gear etc, hein, c'est plein, il y a plein de licences hyper connues que j'ai pas faites parce que je suis pas tombé dessus pendant mon parcours. C'est pas ton style quoi. Enfin, mais ça pourrait être mon style. Moi surtout ce que j'aime par rapport à Bethesda en général de toute façon, c'est qu'ils font des jeux qui sont graphiquement revus à la baisse exprès pour que les modeurs PC pètent les graphismes. Alors ouais, du ça coup, c'est ce qu'ils ont balancé de façon dès qu'ils ont créé Fallout 4 à l'inverse de GTA où ils sont carrément contre les mods. Là c'était plus on sait qu'il est pas très beau mais parce qu'on mise sur d'autres choses et si jamais vous voulez le jouer en très beau parce que ça vous importe, prenez-vous un bon PC et puis attendez que les modeurs en fassent un truc très joli quoi. Ouais, enfin en 2015, est-ce que c'est pas un peu je sais pas quoi, mais genre on sort un jeu, il est pas fini et si c'est, tu sais modder avec la toile faire. C'est pas quoi. Qu'il est pas fini, je pense juste que contrairement à beaucoup d'autres jeux, ils prennent pas sur les graphismes et le online mais plus sur le fond et la forme du jeu en fait. Moi je peux te et répondre, ça je trouve ça assez remarquable. Par rapport à ça, Bethesda avait répondu directement. C'est vrai que beaucoup de personnes ont fait la remarque en disant on est quand même en 2015, votre jeu il est un peu fadasse. Il date un peu. Graphiquement en fait, très concrètement, ils nous ont vraiment expliqué le pourquoi du comment. C'est qu'ils sont partis avec le moteur graphique de Skyrim. Donc en fait, les graphismes que tu vois, c'est les graphismes que tu avais sur Skyrim. Tu vois qu'ils ont essayé de peaufiner le truc, mais c'est pareil. Et pourquoi? Parce qu'ils ont dit que tout simplement, pour interagir avec tous les objets, pour pouvoir faire tout ce dont ils avaient envie dans ce jeu-là, ils pouvaient pas se permettre de bâtir un nouveau moteur graphique. ils ont dit que s'ils devaient faire ça, le jeu à l'intérieur, ils auraient pas pu créer toutes ces interactions là qui existaient déjà avec le moteur graphique de Skyrim, toute la complexité de tu retournes les objets, tu les cales, tu les colles, tu les machines, tu les emboîtes, etc. S'ils étaient partis voilà sur un nouveau moteur graphique, ils auraient pas pu faire tout ça, pas avoir toutes ces interactions. Donc ils ont choisi entre avoir un jeu avec du putain de contenu où tu peux faire plein de choses et qui est graphiquement moins bien, ou avoir un nouveau moteur graphique qui te pète la rétine, mais où dedans, bon, bah, tu te dis, ouais, en fait, c'est un peu moins bien que dans les autres Fallout. En fait, le truc, c'est que plus ça va, plus ils font un compromis, j'ai l'impression, écriture, et visu, quoi. T'as qu'à regarder Minecraft. Bah après, ouais, mais après, honnêtement, quand tu connais le studio, ça t'étonne pas. Oui, tu peux t'exclamer et crier à l'arnaque quand t'as pas l'habitude de Bethesda. C'est un scandale! Mais là, en soi, non, Bethesda, ils ont l'habitude de faire ça et ça a fait ses preuves, notamment par rapport à Skyrim. Skyrim, aujourd'hui encore, il y a des gens qui s'amusent à foutre plus de 150 modes dessus et ça donne un jeu vidéo qui est plus beau que n'importe quel autre jeu vidéo créé jusqu'à maintenant, quoi. C'est fou, ça. Donc, bien sûr, peut-être que c'est pas graphisme PS4, comme on dit, mais d'un autre côté, je trouve que ça fait trop longtemps qu'on essaie de balancer des graphismes et des particules à tout va, alors que, bah, au fond, ce qui est bien aussi... Il y a un contenu vide aussi à côté. Voilà, c'est ça. Dans beaucoup de jeux, c'est beau, ça t'en met plein les yeux, mais il y a rien. Oui, alors, on va en parler juste après, comme Need for Speed. Voilà. On va en parler juste après 20h. Et mais toi, du coup, Raptout, ton expérience Fallout. Mon curriculum vitae Fallout. Non, mais j'ai pas eu l'occasion de jouer. Je pourrais, mais de jouer aux deux premiers. Moi, j'ai commencé sur le 3. Le 3, j'ai joué quelques centaines d'heures. Putain, t'imagines. Et c'est un peu comme Dandy. Enfin, c'est vraiment cet univers. Moi, je suis fan de tout ce côté années 50, années 30, américain, le truc un peu old school comme ça. J'adore ça. Cheese. Non, mais ça fait c'est ça, c'est cette espèce d'ambiance comme ça, alors qu'on est en 2000 plus, mais toujours avec cette espèce d'esprit années 30, années 50. On va en les musiques, la bande audio fantastique, cet esprit comme ça justement avec les vieux véhicules et machin. Et en plus, truc super kiffant pour moi, c'est le post-apo en plus, quoi. Ouais. Et du coup, je reviens pareil, le même point. Enfin, c'est bien fait, enfin t'es vraiment, tu te sens vraiment, t'es dedans, t'as ton personnage, tu te déplaces, tu récupères des choses un peu à la Skyrim, tu remplis tes sacs, tu peux pas marcher, tu marches au ralenti parce que t'es plein, mais c'est pas grave, t'as eu le plaisir de tout ramasser, tout voir, tout aller partout où tu veux, avoir en plus, bon, enfin après voilà, et le bestiaire est pas mal, c'est vraiment un tout, quoi, c'est la licence qui regroupe tout ce que j'aime, le post-apo, l'espèce des années 30, années 50 comme ça, avec la musique qui joue évidemment son rôle, mais qui c'est pas négligeable. Puis après les graphismes, comme on a dit, enfin petite parenthèse, enfin c'est pas, voilà, on a tous plus ou moins dit, c'est vrai que maintenant on a des jeux qui pètent, ça pète les yeux, ça pète la rétine, on en a plein les yeux, c'est magnifique, mais là ils ont fait un compromis, ils ont baissé légèrement, ils sont restés sur un moteur graphique qui a fait ses preuves, parce que Skyrim, bah, y a des millions de personnes qui ont vraiment adoré cette licence, alors qu'ils n'avaient pas du tout joué à ce genre de jeu à la base. C'est aussi clair, les RPG, c'est la première fois que je faisais un Elder Scrolls, voilà, ça fait partie quand même d'une catégorie de personnes d'un certain âge aussi, entre guillemets, même si tu peux être jeune et aimer, mais c'est les gens qui ont joué à des jeux de plateau, des jeux de rôle, les donjons et dragons et tout ça, ça rejoint un peu cet esprit là ce côté RPG qui est bien modélisé, qui est bien amené, et dans le 4 ils ont fait une bonne continuité. Et après, pour en venir au studio aussi, enfin, depuis la fin du 3, après le 3, ils sont partis sur le 4. Donc ils ont rien dit, et depuis 2008, ils sont sur le 4. Donc forcément, par rapport au moteur graphique, ils sont restés sur un truc qui fonctionnait. Ils se sont pas dit, voilà, au moins pour ça, ils se sont pas plantés. Après, on aime ou on aime pas, on critique les graphismes ou pas, mais ils sont restés sur, ils y bossent depuis 2008, quoi. Donc là, ils sortent je pense qu'ils sortent un bon truc, et pareil, pour moi, c'est le jeu que j'attendais. Clairement, pour moi, c'est le jeu de l'année. Parce que tous les autres, la hype est passée, clairement. Ouais. Même pour revenir sur ce que tu disais, l'Infernal, oui, ils ont dû faire un parti pris, mais après, faut pas confondre graphisme et direction artistique. Ouais, voilà, alors ça, aussi. On a beaucoup insisté dessus. Il y en a beaucoup qui confondent, ils font la magane, confondent. Et en soi, Bioshock Infinite, par exemple, n'était pas à la pointe des moteurs graphiques. Mais la direction artistique faisait c'était tout fabuleux, le reste, quoi. Pour Fallout, c'est un peu la même chose, quoi. C'est que la direction artistique est franchement béton, quoi. D'ailleurs, on n'a pas une compile des BioShock Remastered qui arrive en novembre. Si, normalement. Ouais. Ça devrait pas tarder, ça. Donner à cœur, je pense aussi. Ouais. C'est pour le 1, c'est pas mal. Ouais. Parce que c'est vrai que le 1 vieillit pas très bien. Et pareil que Fallout 3. Fallout 3 reste très bien dans son mode de jeu, son système de jeu. C'est Fallout. Mais il vieillit pas bien. Alors, il vieillit vraiment pas bien. Moi, le truc, c'est que Fallout 4, hein, c'est le premier que je fais de cette manière-là, parce que le 3, je me rappelle l'avoir acheté. Et comme je disais tout à l'heure sur le stream, moi, c'était une période de ma vie où j'étais pas du tout prêt au RPG. Dans le sens où j'avais envie d'aller tout droit comme un con. Borderlands 1, j'avais pas aimé. Et je me rappelle l'avoir acheté Day One et le ramener le lendemain. Parce qu'à l'époque, c'était pas tes jeux, c'était pas mon style. Et j'avais rien compris. Mais Fallout 3, une poule avec une cuillère, mon pote. Et j'étais devant le machin quand tu lances le SVAV là. J'avais rien pané quoi. Et j'étais là, non mais attends, parce que le jeu, moi je vais d'un point A à un point B, je tue le mec, non, là faut que t'ailles farmer des trucs. Maintenant c'est bon. Mais à l'époque, tu vois, j'ai grandi après. C'est normal. Même au-delà de ça, tu vois, comme pour Skyrim, avec l'interface qui était galère, le point fort par rapport au PCI, c'est que t'avais des mods aussi qui rendaient ça plus ludique, moins chiant à faire. C'est vrai que l'interface, il faut se l'envoyer. On va en parler dans un instant. Juste pour les auditeurs qui nous écoutent et qui depuis tout à l'heure se demandent, c'est quoi Fallout? Fallout fort. C'est Fallout. C'est la Fallout que je préfère. On va resituer un petit peu l'univers. En fait, ça se passe aux États-Unis, à Boston, pour être plus précis, en 2074, je crois, un truc 77, comme ça. 77, pardon. Et en fait, on suit un personnage, donc il y a une femme, on va pas spoiler du tout. On rentrera plus dans les détails dans deux semaines pour le test. Mais en fait, on suit les pérégrinations donc d'un personnage, et en fait, qui habite dans un espèce de lotissement. Et en fait, il y a une attaque nucléaire. Donc ça se passe aux États-Unis hein, dans les années 30-40, à l'époque de Grease, pour resituer un petit peu si vous connaissez le film, à l'époque des blousons noirs, du Coca-Cola, des drives, des États-Unis comme on aime bien quoi. Un peu chewing-gum et tout. Et au final, c'est cette période-là, tout ça. Et au final, la bombe explose et notre personnage se retrouve cryogénisé et se réveille 200 ans plus tard. Donc il faut imaginer qu'on est en 2277, sauf que l'univers est figé en 2077. Donc c'est une uchronie, donc c'est un univers parallèle au nôtre, on va dire. Donc c'est resté figé dans les années 30. Donc c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'on marche, à un moment moi j'ai kiffé, tu marches, t'arrives, il y a plein de bagnoles alignées comme sur un parking et en fait devant toi t'as un gigantesque écran de cinéma, tu sais, c'est un drive-in. Tu vois, c'est cool, top ça. Quoi. Non, puis même l'aspect du futur en fait est super marrant parce que un peu comme ils avaient fait pour Black Ops 2 et leur mode zombie, t'étais un peu dans un futur en fait qui est resté kitsch par rapport à ce qu'on voyait du futur à cette époque là quoi. Du coup, en soi, ça aussi, c'est super marrant parce que tout est chromé, limite. Les bagnoles, c'est des américaines. C'est clair. Et en vrai, si le futur était comme ça, ce serait trop stylé. Ça fait penser à Alien Isolation. Au final, t'es en 3000 et des bananes, et puis tu te retrouves aller dans le Nostromo, qui a été construit dans les années 80, mon pote. Alors, je t'explique pas, tu mets le scaphandre, il a des pattes d'eph, le dos, quoi. Bizarre, c'est un truc de ouf, c'est vachement bien. Ouais. Mais ce qui est marrant, justement, c'est ce que tu vois dans ces jeux un peu futuristes. C'est que malgré le fait d'être dans le futur, t'as toujours cette impression que les gens veulent te ramener quand même dans le passé. Ouais. T'as toujours ce côté nostalgie qui fait qu'on est dans le futur, mais on peut pas quoi. C'est le passé, on est trop attaché quoi. C'est l'histoire. C'est ton histoire. Donc tu te rends compte que voilà, t'as toujours cette attache qui est là où tu dis bon, t'en as, ils partent dans des délires modernes, advanced warfare machin où c'est du robot qui pète de partout. Le vrai turfu quoi. Ouais voilà. Bon ça, moi perso, j'ai un peu de mal à adhérer à ce genre de truc. Mais effectivement, le futur un peu rétro, ça c'est génial, c'est juste top. D'ailleurs, on peut le voir un petit peu avec l'univers aussi des Batman où t'as l'impression d'être dans un truc plutôt actuel et tu te rends compte que les Batman, de toute façon, ça a été créé à l'époque, c'est quoi, 70-80 1938. Ah ouais, aussi vieux? Ouais, 1939. Bah voilà, et t'es toujours dans cet univers-là parce qu'à l'époque, ça a été créé à cette époque-là, donc toutes les références dedans sont faites comme ça. Si tu m'excuses, hein. Batoupédia, là. Hein. Mais, non, mais franchement, tu vois le costume de Captain America. Il est un peu ringard, franchement. C'est clair. Bah, en même temps, il s'est endormi pendant 60 ans, quoi. Donc, ouais, le pauvre. Ah oui. Donc, ce côté rétro est super bien. Et c'est vachement bien et ça marche tout de suite. Alors, moi, ce qui m'a marqué tout de suite, parce que j'en suis à 17 ou 18 heures de jeu. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on se sent mais seul. Ah oui, oui. Mais c'est un truc de ouf. Tu arpentes les terres, mon gars. T'as l'impression d'être un hobbit, quoi. Je te jure. Tu marches. Y a Sanson, à part des moustiques qui te piquent et ils te prennent 4 litres de sang d'un coup, mon pote. Mais tu marches, y a personne. Et t'as une espèce de sensation. Si tu joues en bonne condition avec du bon son, mon gars. Mais je suis une légende. C'est ouf. Moi, de ce que j'ai vu sur Fallout, ce qui me plaît, c'est de. C'est comme à l'époque. Je me suis dit, j'ai galéré à l'époque et de voir les gens qui jouent à Fallout parce que ils surfent sur la wave, voilà. On va tous jouer à Fallout et tout et qui galèrent. Bah moi quoi. Ils vont comme des bourrins, comme ouais. des bœufs, des trucs. Et ils arrivent à rien, ils râlent. Et moi, ça me fait plaisir. Je me dis, ah voilà, on va galérer, on va jouer, on va trimer quoi. T'as un espèce de monstre qui t'arrive dans la gueule. Tu peux pas faire Call of Duty. Tu tires, ouais. tu recharges, tu cours, tu montes ouais, sur le fini. Mur, ah tu ouais, machin, non, c'est tu chaud. Là c'est cool quoi. Tu vois les mecs qui triment. J'ai vu, je tombais sur un stream. Le mec, il est au début, dans la petite ville au début. Je sais même pas. Enfin, il est mort 24 fois quoi. Après, il était en mode survie. Il est en mode survie. Ouais, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je vais faire. Bah, courage. Et il est mort déjà 24 fois. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est cool quoi. Le mec, il galère vraiment, vraiment quoi. Tu sens que Grabtou, il a envie de se faire du mal. Ah, mais je pense que. Alors, bon, si ça passe pas, je baisserai la difficulté en très difficile. Mais j'ai envie de me le tenter en survie quand même. Bah ouais. Après, quitte à le saigner, autant galérer quoi. Bah, ouais, s'il y a un trophée, il va falloir que je fasse pareil moi aussi. Non, alors, les trophées sont assez cool. Il y en a aucun qui est lié à la difficulté. Ouh, il d'accord. faut juste remplir les quêtes et yes. puis rendre heureux 5 personnes. Bah, alors ça je sens, voilà, comme les Skyrim et compagnie, ce sont des jeux ouverts où les quêtes sont à foison. Et en général, comme on l'a vu dans Witcher, si machin il meurt ou si t'as un bug machin, c'est foutu. Voilà, c'est oui, foutu. C'est la ça, chaîne ouais. elle c'est est pétée et t'auras pas ton trophée, t'auras pas l'objet que Michel Pompolo. C'est quoi le jeu que t'as dit en comparatif? Witcher, The Witcher. Mais The Witcher, je sais pas. Enfin, moi j'ai pas eu de problème, mais l'infernal. Ouais, moi j'ai vu un mec certes, se faire tirer après, dessus. Après, plus, faut pas oublier qu'il y a 8 ans de développement derrière. Donc s'il y a ce genre de petit bug, ce serait assez con quand même. Bah ouais, mais c'est le cas. Ça arrive. Les jeux, il y en a un paquet. Hein. Les jeux en monde ouvert, Fallout, tu as plein de. Ah ouais. Il y en a eu un tout à l'heure. Ah ouais, non, mais moi les bugs, ça arrête pas. Sur Skyrim, c'était le cas. Sur Super Nintendo. Ah d'accord. Non, je plaisante. Non, mais il y a des bugs de ouf. Alors le truc c'est que voilà, le moteur est un peu vieillissant et ça se voit. Déjà, il y a tu vois la façon dont c'est mis en scène et les niveaux sont construits, t'as l'impression de jouer à Dishonored, tu reconnais plein de je sais pas d'endroits, tu dis ça je l'ai déjà vu. La façon dont c'est empilé. Oui, ça reste du Bethesda, du coup tu reconnais un peu la patte studio quoi. C'est ça, la façon dont on t'emmène avec un entonnoir à un endroit au niveau du level design. Et encore vachement moins que Dishonored ou des choses comme ça qui sont quand même dans un espace assez clos. C'est ça. Et si je peux me permettre, faire une petite parenthèse par rapport au studio Bethesda, on n'en parle pas parce que peut-être que ça intéresse personne, mais par rapport aux smartphones, aux applis. Moi, je sais pas s'ils nous écoutent, mais on s'en fout. Enfin, franchement, les féliciter parce que. Bethesda, mais ils nous écoutent tous les mardis. Contrairement à beaucoup de studios qui sortent une application, un petit peu, comment on appelle ça, la fameuse Companion App. Le Companion smartphone. Beaucoup de studios sortent après le jeu. Et c'est buggé de partout, les commentaires sont pitoyables. Enfin, là, ils ont sorti une application pour gérer le Pip-Boy sur son smartphone. Ils ont sorti avant le jeu, tout traduit, anglais, allemand. Enfin, j'ai testé, ça reconnaît direct du moment qu'on est sur le même réseau. Tu te connectes, boum boum, le Pip-Boy il est connecté. C'est sorti avant le jeu, c'était opérationnel, impeccable, vraiment nickel. Ça peut être sympa ça. À ce niveau-là, ils ont assuré et il y a pas grand-chose à leur dire parce que beaucoup de les applications compagnons à la Assassin's Creed tout ça. Enfin, il y a des studios qui sont plus ou moins bons. Et eux, je sais pas si c'est vraiment bien, mais ils ont le mérite d'avoir sorti ça avant le jeu et qu'il soit optimisé et prêt pour la sortie du jeu. Ils ont fait ça avant et ça, c'est plutôt pas mal. Oui, yes. Mais je l'ai pas essayé encore. Mais ça marche du tout. Enfin, moi, j'ai pas encore récupéré le Pip-Boy, mais ça fonctionne. C'est nickel, ça fonctionne nickel, quoi. Oui, yes. Alors le Pip-Boy, pour les auditeurs, c'est l'espèce de montre connectée, une montre assez énorme. Ouais, c'est l'ordinateur. Voilà. En fait, où on gère tout dessus. On peut en parler de ça vite fait. Non, on finit juste sur les bugs. Voilà. Donc il y a le lot de bugs qui va avec ce genre d'univers. Il y a des fois, tu rentres dans une pièce, t'as tout le mobilier qui tremble. Alors ça, Eki, tu pourras nous expliquer. C'est parce qu'il rentre en collision. En collision. Ouais. Tu pop dans la pièce et ça fait ça. Bah quand tu rentres dans une pièce, t'as les objets qui tremblent. C'est simplement que les objets se génèrent au moment où t'arrives et qu'effectivement, pour une raison X, sûrement qu'ils ont pas voulu faire popper les objets au-dessus de la table et qui tombent. Ouais. Du coup, ils ont dû essayer de les faire popper directement sur la table. Et selon le moteur, la machine, etc., ils rentrent dans la table et exactement. Les collisions. Ok. Bug. Parce qu'il y a des moments, tu ouvres la porte, ça zouke grave, mon pote. Ah, ouais. Hein. Ouais. Ah putain, il y a un lampadaire qui est passé, mon pote. Je te jure, parce que des fois, il tremble tellement que ça s'envole, quoi. Ouais. Comme ouais. dans GTA, quand c'est tu normal, rentres ouais. dans les balançoires, au bout d'un moment, tu t'envoles, quoi. C'est notamment en fait à cause du principe de friction en fait qui fait que ça, oui. en fait un objet qui va bugger dans une collision va augmenter sa jauge de friction jusqu'à en fait se sortir de la collision et avoir une vitesse assez extraordinaire. Et oui, plus ça va plus c'est précis ce qui génère, dans la physique ça. Et du coup quand ça commence un peu à bugger après ça fait n'importe c'est ce quoi qui génère ça j'aime bien les ça me fait rire ces bugs là me font rire c'est sympa. Parce que tu vois tu rentres et hop t'as le lampadaire qui passe bon ouais, bref c'est ouais Paranormal Activity mais non il y a pas mal de bugs aussi de pathfinding donc en gros c'est pour expliquer aux auditeurs c'est quand un personnage une intelligence artificielle doit aller d'un point A à un point B. Alors ça c'est assez magnifique parce ouais. que on prend souvent des ascenseurs, on est suivi par un chien, un autre petit compagnon que je vous dirai pas qui c'est et un autre qui a une armure de ouf. Donc on est quatre dans un ascenseur mesdames messieurs. Alors je vous explique pas le délire quoi. Et mon gars est le gros en armure, genre il sort de l'ascenseur, il marche sur place comme ça. Après il va tout droit, il arrive, il fait demi-tour, il revient dans l'ascenseur, ça, il marche comme ça. C'est quand t'as coupé le script quoi ça. Ah ouais ouais. C'est pas bon. Et ça arrête pas quoi. Des fois il fait suivez-moi et il trace et il marche comme ça et il marche dans le vide. Donc tu peux pas le suivre, il va nulle part. Ah, merde. Donc il y a pas mal de trucs comme ça qui buguent. Juste pour conclure, avant qu'on s'écoute le Scud et qu'on parle de Need for Speed juste après, moi le gros truc qui me fait halluciner en 2015 sur Fallout 4, c'est les sauvegardes, mesdames messieurs. Il n'y a pas de sauvegarde. Et là, le l'infernal, il est pas content, il est tout rouge là. Non mais attends, j'ai joué 21 heures, je l'ai noté sur le papier. J'ai sauvegardé 175 fois. Ouais, c'est normal. En fait, c'est genre il y a pas de sauvegarde auto. Il y a pas de sauvegarde. Eh ben, tu sais comment je l'ai découvert ça? Comment? Eh ben en traçant dans la pampa, en ramassant mes petites affaires, en découvrant des spots, des trucs, en faisant plein d'XP, en dépensant des points d'aptitude et tout, en arrivant, en tuant un boss de ouf qu'il a fallu que je trouve en ouvrant une porte avec un code de dingue que machin j'ai trouvé. Tu rentres dans la salle, il y a 10 gars qui arrivent, tu les butes en appuyant sur un bouton, que pour appuyer sur le bouton faut mettre un fusible, un truc. Enfin t'es parti pour une demi-heure, tu tues le boss, t'as réussi, tu marches, tu dis oh putain je suis trop content, t'as redépensé un point, tu marches un petit peu dans la forêt, tu dis oh ça a l'air sympa par là, t'y vas, tu marches une demi-heure, tu te fais tuer par une mouche, tu reviens où t'étais au début, avant le boss et tout, mon pote. Oh, ouais. Oh le j'ai halluciné. Ça, c'est un système. J'ai cru que j'allais péter un câble. C'est génial. J'ai cru que j'allais péter un câble. C'est le genre 35 minutes, tu vois. Ça, c'est le réflexe que les gens dans du 3 ou Skyrim, ils ont toujours. C'est dès que tu veux faire un truc, avant d'ouvrir un coffre, par exemple, tu sauvegardes. Ah ouais, non mais si mon tu gars... chies et que t'as plus d'épingle à cheveux, tu charges ta partie. C'est un truc de ouf. Donc, je tiens à m'excuser auprès des viewers qui ont suivi le stream de ce matin, ça devait clignoter grave. Parce que quand tu sauvegardes sur Play, tu sais, ça met écran bleu pour les viewers. Ah ouais. Ah bah, mon pote, image écran bleu. Parce que du coup, après, tu te retrouves dans une salle, tu tues un mec, vu que c'est dur, tu tues un mec, tu sauvegardes. T'avances de deux pas. Tu tues le gars, tu sauvegardes, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Et après, pour ce genre de sauvegarde, il y a une raison, une fois de plus, c'est comme Skyrim. C'est que, tout simplement, en fait, quand tu es sur PC, tu as plusieurs types de sauvegarde, plusieurs slots. Que souvent, quand tu essayes des trucs sur Skyrim, la plupart du temps, en fait, tu prends un point de sauvegarde avant, tu essayes, et du coup, ça marche pas, et du coup, tu retournes au point d'avant. Et du coup, je pense que c'est pour, justement... que les gens ne soient pas bloqués dans leurs aventures, notamment à cause de certains bugs, etc. Logiquement, tu dois avoir accès à toutes tes saves et tu dois pouvoir reprendre ton aventure à un certain point. Oui, oui, il y en a plusieurs, il y en a 6. Parce que le problème de l'autosave, c'est que voilà, dans The Witcher, au final, t'étais baisé parce que t'avais fait un truc et que tu pouvais pas revenir en arrière. C'est ça. Et ça m'est déjà arrivé, genre où j'ai sauvegardé au moment où il fallait pas, et à chaque fois que je relançais la sauvegarde, pan, t'es mort. C'est merde. Ça. On râle parce qu'il y a pas de sauvegarde et en même temps, on râle parce qu'il y a trop de sauvegarde de temps en temps. Si, il y avait des slots dans The Witcher. Ouais, peut-être. Ah, si, sûr. Parce que c'est pour pallier, c'est le modèle Bethesda au niveau de la sauvegarde, quoi, tout ça. Yes. Bon, on s'écoute le Scud et puis on continue d'en parler juste après, si vous voulez. Ouais, ça marche. Allez, attendez, je vais couper la bande son. de Fallout. C'est quoi qu'on s'écoute là? Ah, c'est Ghostic qui l'a choisi. Oula. C'est Wild Bell. Wild Bell. C'est la belle sauvage. Exactement. La, c'est la sauvageonne. Dans Fort Boyard. C'est Felindra giving up on you. Oh yes. Bon allez, on a un peu à la bourre, mais il est 20h. Vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio. Et nous on revient juste après Wild Bell. Et on vous parle de Need for Speed, de Besoin de Vitesse pour Switch Show. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. Allez, on est de retour. On est toujours en direct. Et il m'a mis la patate ce morceau. Un truc de ouf. Ça va. Je t'en prie. Ouais, parce que le morceau avec Michael Jackson avant, il t'a pas mis la patate. Ah si carrément. De toute façon, il fallait que ça te mette la patate parce qu'on va pas tarder à parler de NFS. Qu'est-ce que c'est, NFS? NFS, no fucking sense. Tu connais pas? Ah carrément. This is no fucking sense. C'est parti quoi. This game. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute quelque chose? Tiens d'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais n'hésitez pas à réagir sur Facebook et sur Twitter. J'ai zappé. La voix du geek, la voix avec un. N'hésitez pas à nous suivre. Et puis là, on est en train de vous préparer un truc. Dans pas longtemps, on va streamer par un subterfuge de ouf, en branchant des câbles dans des trucs. Vous pourrez nous voir en vrai sur Internet, mesdames messieurs, sur un des internets. On pourra enfin voir à quel point ma voix va pas du tout avec mon corps. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Vous pourrez nous voir parce dans dîner aux dernières nouvelles, tout le monde pense que j'ai 30 ans hein, ou voire 40. Voilà. 40, ouais, ça se tient. Alors que Kogu on a que 20. Oui, c'est ça. Alors vous allez voir, c'est assez troublant. Moi, je dois être le plus jeune parce que je dois avoir 14 ans avec la voix. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que ça, le truc autour du cou, ça fait très étudiant. Ouais, c'est vrai. Moi, je voulais, je fais une manif. T'as l'air un peu d'un petit bobo parisien. C'est ça. Il manque la pancarte. Tu crois qu'il a des convictions. C'est mon côté PCF, c'est pour ça. Agostic, il est rentré TEF. Ouais, parce qu'après, je vais une manif. Si on en veut du rab à la cantine. On sandwich merguez. On embrasse toutes les merguez qui nous écoutent. C'est ça. Bref, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Fallout? Ouais, peut-être. Achetez-le. Un petit peu. Achetez-le. Ouais, achetez-le déjà pour commencer. C'est super. Et j'adore cet argument. C'est super. Ouais, c'est super. Franchement, ouais. C'est super. Non, par contre, moi, je me sens encore couillonné parce que je suis le genre de mec, malheureusement, tu vois, voilà, ça, j'ai un défaut. J'ai un peu la collectionnite aiguë. Donc, forcément, quand je rentre dans un jeu et que. En plus que tu sais que t'as des trophées qui peuvent se débloquer, je me dis, attends, ça se trouve t'as des trophées pour si tu parles à lui ou si t'attrapes ça ou si cherches ça. Alors moi, je tente tout, tu vois. Bah, je cure le fond de tiroir. Vaut mieux que tu prennes un guide alors. Ah ouais, parce que sinon tu vas y passer des années. Quoi. Il va me faire 1000 ans le jeu. Donc ouais, le problème c'est ça, c'est que c'est le genre de jeu où tu collectionnes beaucoup de trucs. Ou en plus au niveau de tes specs, comme le disait Raptor tout à l'heure, c'est que si t'augmentes pas ta force, t'arrives vite, tu sais, t'as les poches pleines. À la jauge maximale de portée, et après t'es une limace quoi, t'arrives pas à avancer si t'es trop plein. Donc, c'est ça. Moi, faut se vider. Il faut. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis la morale de l'histoire. Voilà. Force et endurance en premier. Ouais. Raptou, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, croque monsieur. D'accord, ok. C'est pas mal. En trois. Croque monsieur, jambon, fromage, cornichon, voilà. Acheté, c'est papillon. Bien. Okay. Je serais pas. Non, je pense que ça va être un bon jeu, quoi. Enfin, pour moi, c'est le jeu de l'année. Je pense qu'on est dessus pendant un bon nombre d'heures. Oh oui. Pour ceux qui ont les plus d'affinités avec cet univers-là, je pense qu'on est. Bah d'ailleurs, voilà. La reprise Sony aujourd'hui que j'ai vue, à qui je fais un bisou kékette, m'a dit justement parce que je lui ai fait, écoute, je me suis. Parce que j'ai fait un bisou kékette. Je me suis acheté le jeu, je vais y jouer pas mal. Elle me regarde et me fait. Tu es célibataire? Je suis oui. Elle me dit, ouf. Elle me dit heureusement pour celle qui aurait pu t'accompagner. Bah oui, parce que quand t'as Fallout, forcément. Sinon, il y avait un coup à jouer. T'es tout seul, là. T'es tout seul. Ah, pourquoi pas? Comment elle s'appelle? C'est comment son prénom? Audrey. Audrey, comment? Non, pas les mots. Non. Bon, Audrey. Audrey Sony. Voilà. C'est quand que tu reviens à Cultura le prochain coup? Non, elle est très sympa. Je lui fais un bisou parce qu'en plus, ça m'a fait de jolis cadeaux. Et tu fais plein de bisous kékettes à Audrey? Je suis un bisou, Audrey. Tu sais, le jour où t'auras compris qu'à l'antenne, faut pas que tu parles de meuf parce qu'on va automatiquement te griller tes coups. Là, t'auras gagné. Non, mais il y a un mari qui a des enfants. Non, mais on déconne. Hein, c'est la voix du geek n'est pas jaloux. Non, je prends 10%, c'est tout. Non, mais voilà, très très sympa. Je la remercie parce que voilà, elle est toujours. C'est toujours des petits cadeaux de temps en temps quand elle passe. Et au moins une bonne relation clientèle avec Sony, donc cool. Merci Sony, vous êtes c'est toujours bon les relations. Ouais. Yes. Bon, c'est bon, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, ça va, je crois que c'est assez chiant. On peut aller à Need for Speed. Parle de ton Jackie Tuning, vas-y. Ouais, alors tiens, juste, il y a Tiliana, je sais pas qui c'est, une auditrice. Ah, non, mais je sais. Ah, d'accord, il est compris. D'ailleurs, oui, non, vas-y. Mais elle fait message à Bethesda, refaites des box anthologie. Ah, merci chérie. Alors, c'est quoi les box anthologie? Il y en a plus? Box anthologie, non, ça a été en rupture de stock. En fait, anthologie, c'est une version, c'est tous les Fallout, sans le 4. Dans une espèce de voilà de nuke, une petite nuke. Un nuke, c'est le diminutif de gnocchi. Voilà, c'est ça. C'est juste un espèce de petit objet, enfin petit, il doit faire une ogive. 30 cm je pense de haut. C'est un espèce de petit objet collector avec tous les jeux à l'intérieur, avec ils ont prévu l'emplacement pour mettre le 4. En fait, c'est que des jaquettes carton. Mais ils ont prévu la jaquette carton pour Fallout. Donc tu mets ton CD Fallout dedans. Et dessus, le petit truc en plus, c'est que quand tu appuies sur le bouton au-dessus, ça fait le bruit d'une nuke. Donc voilà, c'est un petit objet, objet collector. C'est vraiment comme au collector. Yes. Voilà, ok. Tout simplement. Tu parles quand même à un mec qui a un Skyhook grandeur nature chez lui. Quoi, non, non. Mais moi, oui. C'est quoi un Skyhook? Ah, d'accord. Mais tu sais, c'est le grappin là dans Bioshock. Ah oui, cette espèce de merde en plastique qui prend la poussière là. Et qui coûte 150 balles. C'est quoi. Qui a ça chez lui? C'est moi. Et qui? C'est vrai? Et oui, je me rappelle. Moi, j'ai tous les produits dérivés Bioshock Infinite. On avait fait une vidéo. On avait fait une vidéo avec pour Benzaï. Ouais, c'est ça. On avait fait une parodie de son émission. Il a jamais aimé ce connard. On le reçoit la semaine prochaine. J'aurais deux mots à lui dire. D'ailleurs, tiens, en parlant d'invité, je suis en train de négocier avec Fred Moulin du journal des jeux vidéo de Canal+, pour qu'il passe nous voir. Alors il est très concis dans ses messages. Je lui fais bonjour, comme d'habitude. Et puis je lui fais est-ce que tu voudrais passer? Il me fait quand? Maintenant. Donc je lui ai dit je lui ai décrit les trucs. Et donc il va sûrement me répondre où, voilà. Donc sur Skype. Voilà. Donc c'est en égo. À quelle heure? Bon bref, on l'aura sur Skype et ça nous fait bien plaisir parce que c'est un grand monsieur qui a fait pas mal de choses avant de se retrouver au Rennes du journal des jeux vidéo de Canal+, hein, mon Goustique. Et oui. Qui le suit depuis longtemps. Et vu qu'avant il était pas né, bah c'est sa mère qui le suivait avant qu'il naisse. Sa mère était très intéressante, représentante de Sony. Je sens une tache de gueule. Bon bref, attention si vous entendez cette bande son magnifique. Rider on the Storm. Ça veut dire qu'on va vous parler de Need for Speed. Donc, alors celui-là, il a pas de d'apophisme. C'est Need for Speed 2015 du coup. Ouais, voilà. Voilà. D'accord. Comme pour le Tomb Raider. Just Dance. C'est ça. C'est alors ça. Need for Speed, c'est édité par Electronic Arts. Je me demande bien qui c'est cela. C'est développé par Ghost Game. C'est un jeu de course. Ouais. Quoi? C'est sorti le 5 novembre 2015 et c'est déconseillé aux moins de 12 ans. Parce qu'il y a des gros mots, ma gueule. Eh ouais, mon cousin. Ah non, mais attends, mais c'est magnifique. On alors, va, on va avant parler tout, ça. Je vous demanderai juste de pas troller le jeu parce que je trouve quand même pas si mal. Non, non, mais du après, coup, non, moi j'ai bien aimé aussi. On va tout débriefer. Toi, tu connais pas la voix du geek. Hein. Non, j'avoue, je connais pas, je viens d'arriver. Ah, ça fait 4 ans, mais je les connais pas, quoi. Le mec demande, s'il vous plaît, trollez pas. Est-ce tu que... sais qu'il a le doigt sur le truc pour rigoler. Ah, non. Même quand tu sur fais le Pokémon ou Animal Crossing, on te troll à chaque fois, quoi. Ouais, mais Animal Crossing, c'est compréhensible puisque vous êtes des gros cons. Alors que quand on aime le Jackie Tunis, nous sommes des gens de bon goût. C'est ça, voilà, c'est ça. Quelqu'un veut nous faire le point sur l'histoire de cette bizarrerie vidéoludique? Est-ce qu'il y a une histoire, en fait? Mais oui, il y en a une. Le pire, c'est que franchement, incarne un mec qui veut se faire un nom dans le tuning dans le milieu underground. En fait, il en a marre de traîner le dimanche sur le parking de Auchan. Arrête de faire ton gros troll, c'est un mec qui veut se faire un Lopez. Parlez pas tous remarquer. En même temps. C'est un mec qui veut se faire un nom dans le milieu de la course de rue, voilà. Voilà. Pas trop, le mec qui a trop regardé Rapide et Furieux. Ouais. C'est ça. Et puis qui s'est dit, bon, bah. Puis bon, qui globalement, apparemment, a l'air assez muet comme mec. Oui, c'est vrai, que c'est vrai. On parle pas et on le voit jamais. Ouais, c'est ça. Tu vois ses mains de temps en temps, mais globalement, ça doit être trop chiant de sortir avec lui parce que tu dois trop te faire chier. Alors, et tu vois ses mains assez régulièrement, et pour faire quoi? Pour boire une Monster. Ouais. Le placement de produit le plus énorme d'un jeu vidéo. Ça et Hot Wheels. Ah ouais, Hot Wheels. Ah ouais, Hot Wheels, c'est des petits. Alors, Hot Wheels, c'est le fabricant, vous savez, de petits camions. Toujours plus vite. Ah mais c'est mon enfance, ma gueule. Putain. Mais quoi, t'as jamais vu les plus beaux? Non mais laisse tomber, bah, tu sais que le pire, c'est qu'on a joué tous les deux, on l'a découvert ensemble le jeu. Ouais, c'est vrai. Et genre au début, t'as ouais, ça va être de la merde, il se foutait grave de la gueule du jeu. Et dès qu'il a vu qu'il y avait Hot Wheels, ce gros gamin, il a fait putain, il est gay bien le jeu, nanana. Non, c'est comme avec quoi, Transformers, tu vois, la même, le fanboyisme ultime. C'est parti, ça repart, il va te dire que je vais jouer sur mes souvenirs d'enfance. Sauf que c'est un bon jeu, mais on va en parler plus tard. Ouais, donc voilà, alors on va parler tout de suite ce qui fait qu'il y a pas mal de moqueries. C'est un bon parti pris quand même graphique. C'est les cinématiques. Alors, comme dirait Bibine, putain, elles sont vachement bien faites, les cinématiques. Oh, la mocap de ouf. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme Guitar Hero Live, dont on parlait la semaine dernière, ou il y a deux semaines, c'est pas des cinématiques en images de synthèse. C'est des vrais acteurs qui ont été filmés, sûrement à la GoPro, ou avec des, voilà, qui ont été filmés. Et donc, bah, ça va avec un jeu. Voilà. Et les acteurs des plus belles navies n'ont qu'à bien se tenir. Bah, en fait, déjà, ce qu'on aurait peut-être dû faire acoustique, c'est jouer au jeu en anglais, si ça avait été possible. Ah ouais. Parce que je pense que les dialogues français sont franchement géniaux. C'était comme, enfin. Bah, c'est hyper cliché, quoi. Bah, j'avais l'impression de voir Omar Sy dans Need for Speed, en fait. Donc, c'est que les mecs, il y a un moment où quand vous avez tous 40 ans dans votre boîte, essayez pas de, genre, faire vous-même les dialogues de Jones. Essayez peut-être d'engager des mecs qui font vraiment partie de la rue pour parler Jones, parce que là c'est cramé à 1000 km, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors en fait, le truc, c'est qu'on est amené, nous, à rencontrer plusieurs chefs de gang, hein, de courses de rue. Ouais. Et donc, à chaque fois, c'est des petites scénettes qui sont jouées dans des garages, mais à chaque fois, c'est ou dans des bars. Ou dans des bars, c'est hyper kitsch. C'est yo mon frère. Ah, mais c'est un truc de ouf en vrai. Tu vois, là où j'ai été déçu par exemple, c'est que tant qu'à faire, ils auraient pu faire jouer Aaron Paul dedans. Oui, ça se tient. Ils doivent avoir les droits puisqu'il a joué dans les films. Alors, les moyens. Le déterrer surtout pour le faire jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on l'a pas remarqué parce qu'on n'est pas fans ultimes. Pardon. Mais il a failli spoiler une série à la radio quand même. Non, même pas. C'est qu'il a confondu le mec de Fast and Furious avec le mec de. Ah, d'accord. Exactement. Mais du coup, voilà, il y a plein de têtes connues que nous on connaît pas. Ken Block, voilà, il joue dedans. Et tu l'as vu, toi? Non. Moi, je l'ai pas reconnu non plus. C'est qui? Il y a Ken Block, c'est un mec qui fait du drift, qui est hyper connu, qui ferme des rues de grandes capitales entières pour faire du drift et tout, qui a créé le Gymkhana, comment on appelle ça, l'épreuve sportive, quoi. Je connaissais pas. Bah, c'est Ken Block, quoi. Il est hyper connu. Le mec, à mon avis, sur sa tête de lit, il a écrit Red Bull, Monster, GoPro, et faut pas oublier les huiles pistol. Mais non, voilà. Donc c'est des petites scénettes qui sont hyper kitsch. Il y a des acteurs qui te parlent, mais c'est assez ringard, quoi. C'est ouais, yo mec, vas-y, tu veux venir faire crisser les pneus avec moi sur le parking du feu vert? Vas-y, viens. Ah, tu sais, t'hallucines. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. C'est même en fait ce fonctionnement de hashtag et tout, faut vraiment être le dernier. Excusez-moi, hein, je vais peut-être être un peu cru, mais faut vraiment être le dernier des No Life et des Cassos pour vraiment utiliser les hashtags qui donnent en jeu sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si... aïe. Tu m'as fait peur. J'ai cru que j'avais plus de voix dans ma vraie vie. C'est vraiment le truc de. Ok, je suis sûr que ça partait d'une bonne intention. Ils se sont dit, les mecs qui vont y jouer, ils vont le réutiliser et tout. Mais non, jamais j'utiliserai hashtag gagner de la rep. Alors ça nous a marqué pendant la soirée. Sur Twitter, quoi. Pour voir s'il y a des gens qui ont bien tweeté ça? Non, j'ai même pas voulu. Est-ce qu'on peut vérifier dessus? Alors je crois que Charlie. T'as vraiment une espèce de. C'est quoi? Hashtag gagner de la rep, REP. Et c'est de la répute. Il y a vraiment en fait un espèce de, je sais pas, c'est pour les auditeurs, un espèce de truc un peu malsain derrière. Oublie pas qu'on n'est pas que nous tous, comme si t'allais faire partager ton expérience de voiture dans Need for Speed dans la vraie vie sur Twitter. Tu peux prendre ta caisse en photo à certains endroits avec des panoramas et tout, mais en vrai, oh, aucun résultat trouvé. Ça va, j'ai encore foi en l'humanité. mais en vrai, voilà, c'est le problème, c'est que non, ça marche pas parce qu'on n'est pas non plus des gros No Life qui s'y croient vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est que on joue à un jeu, quoi, voilà. Quoi qu'il arrive. Le jeu, il va avoir un patch où ils vont enlever tous les hashtags. Ça serait parce bien. Parce que ça marche pas. Ça serait cool. Hein. Mais tu vois, pour le coup, ils avaient fait la vanne dans Blood Bowl, mais tourné au second degré, où ils avaient créé un faux. Des faux réseaux sociaux. Ouais. C'était pas Facebook ni Twitter, c'était d'autres trucs. Et là, il y avait des hashtags qui passaient, mais c'était pour deux faux. Ouais, voilà, c'était intégré vraiment que pour le jeu. Voilà, alors là ils sont ultra premier degré. Ouais, voilà. C'est ça, et puis c'est de mauvais goût en fait. Mmh. Ils peuvent pas le savoir parce que ils sont peut-être pas forcément dans in comme on dit, tu vois, mais ouais, c'est de mauvais goût et du coup, quitte à risquer d'être mauvais goût, autant pas le faire en fait. Ouais, carrément. Mais genre, tu réussis une course et ça te met un tel à tweeter, genre, oh mon gars, mais c'était quoi? C'était une fusée? Hashtag, t'es trop beau gosse. Avec des smileys des fois hyper improbables. Je vais aussi passer une annonce, hein, à tous les mecs de 40 piges qui essayent de faire des smileys. Ouais, nous, papa. nous les jeunes, on met pas de nez à nos smileys. Faut vraiment que vous compreniez ça. C'est que quand on fait un smiley souriant, on va pas mettre un tiret. Là, automatiquement, on sait que vous avez plus de 30 ans si vous faites ça. D'ailleurs, j'embrasse mon oncle et ma mère qui font ça. Arrêtez ça de suite. Non, mais c'est clair, pareil. Moi, mon père, depuis qu'il a compris les emojis, laisse tomber, il y a plus d'emojis que de caractères de lettres sur ses messages, quoi. Je t'ai envoyé un émoticône, piston. C'est ça. Donc, non, ouais, essayez pas dans ce cas-là. C'est un des points négatifs du jeu. Après, peut-être que tu le prends trop au premier degré, justement. Qu'ils ont... mais ils le font tellement réaliste. C'est pas nous, c'est eux, en fait. C'est eux qui amènent le premier degré, tu vois. Trop réaliste par rapport à ce que ça pourrait être. Et du coup, bah, les gens, ils réagissent pas, quoi. Bah ouais, c'est clair. En soi, ouais, c'est clair que tu peux le prendre au second degré et tout. Mais clairement, tu sens derrière ce que les intentions des développeurs. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est, bon, voilà, c'est excusable, mais bon, c'est quand même carrément de mauvais goût. C'était de mauvais goût. Et puis, même, tant qu'à parler des hashtags, des SMS, etc., ce putain de téléphone qui sonne en permanence dès que tu allumes le jeu. En pleine course, c'est hyper c'est un truc de gros malade mental. Ça, c'était chiant. Et on téléphone pas au volant. Tiens, et je l'ai pas vu passer, je suis vraiment désolé. Il y en a plein que t'as pas vu passer. Ah ouais, c'est vrai, mais fallait me le dire. Bah ouais, désolé, il y a Jonathan, tiens, qui nous fait hello les poulets, je vous écoute pendant ma séance de workout. La voix du geek vous motive même dans votre sport. Putain, désolé, il y en a plein que j'ai pas vu passer. La voix du geek, salut à tous, nous dit Jesse, je vous écoute devant Fallout 4. Merci à toi. Ah, salut Jesse. Putain, il y en a plein, je suis désolé quoi. Bah désolé, j'ai pas fait attention. On prendra peut-être 5 minutes à la fin. Vivement le chat sur Twitch. Non, non, mais moi je pourrais pas tout lire. C'est bah, t'inquiète pas, je m'en vais. Bon, on engagera une secrétaire. Ouais, voilà. Je mettrai une perruque. Etc. Bon, comme d'hab. Oui, donc, ouais, pour revenir. On embauchera Audrey Sony. Pour revenir au téléphone, c'est vrai que c'est en répondant aux appels qu'on nous donne des missions. Ouais. Et c'est un truc de ouf parce que au début c'est pip pip pip pip pip. Pip, pip, pip, pip. Ok, et si tu réponds pas après, ça passe à un son qu'on avait oublié depuis 200 ans, c'est. Ah oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Oh, ouais. Ils ont voulu faire un peu à la GTA, mais. Ouais, tu raccroches et 30 secondes après. C'est ça. Et ça n'arrête pas. Hier encore, j'ai juste allumé ma console, à peine j'avais popé dans la map que j'ai reçu un appel, quoi. Mais la dernière fois, pareil, je marchais dans la rue dans Bordeaux, j'ai reçu un appel, mon pote. Eh ben, j'ai raccroché direct. Non, mais voilà, une fois de plus. Ok, les mecs voulaient faire une super simulation, mais éviter de simuler les trucs chiants de la vraie vie. Oui, c'est, bah oui, oui, non, je suis d'accord avec toi à 1000%. Bah ouais, ouais, arrêtez dans les jeux vidéo de nous laisser le potentiel pouvoir de faire la vaisselle dans les Sims. C'est clair. On s'en bat les couilles en vrai. On la fait déjà pas dans la vie. moi, dans Heavy Rain, je m'en fous d'ouvrir le placard et de boire un verre d'eau, quoi. C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est déjà assez relou comme ça dans la vraie vie. On va pas le faire dans le jeu vidéo. On veut s'évader, nous. On veut chevaucher des licornes et des trucs de ouf. Non mais c'est vrai. Si c'est trop terre à terre, je décroche moi. Non ouais, mais là pour le coup, ouais, c'était un peu chiant. Ouais. Bon, on va rentrer un petit peu parce que le temps passe mine de rien. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans le jeu. On va commencer par situer l'univers et donc ses graphismes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans une ville qui ressemble un petit peu à Los Angeles, vaguement. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la map est très petite. Elle est divisée en cinq zones, il me semble. Ouais. Et fait étrange. Eh ben dans Need for Speed, faut pas y aller pour bronzer, mon pote. Ouais. Parce qu'il fait tout le temps nuit dans le jeu. C'est ça. Bon, déjà par rapport au moteur graphique, pour les gens qui connaissent un peu les moteurs, ça a été fait avec le moteur Frostbite. Yes. Mais ouais, effectivement, il fait nuit tout le temps. Des fois, on a quelques petites éclaircies de jour, comme si le jour se levait, qui arrive d'un coup en plus. Ça s'appelle le crépuscule. Et c'est ça. Des crépuscules qui pop et puis et ça redevient la nuit, tu vois, automatiquement. En espace de 10-15 secondes. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est assez spécial. Ouais, c'est bizarre. Ça, et le fait pareil que bah, si tu veux te sociabiliser là-bas, à part tes potes de tuning, tu vas pas voir beaucoup de gens dans la ville, quoi. Alors voilà, fait étrange, il n'y a aucun piéton. Alors c'est une ville où il fait pas bon vivre la nuit, mon pote, parce que t'as tout le monde qui est enfermé chez lui à double tour. Il y a Sonson dans la rue. Il y a beaucoup de voitures aussi, et la plupart des gens en jouant à ce Need for Speed. Se sont attendus à retrouver un peu un Underground 2 qui était un peu le virtuose de son époque. Et effectivement, non, très peu de voitures, tout ça, ce qui est dommage une fois de plus parce que ça rajoutait pas grand chose de mettre un trafic un peu plus influent, quoi. Bah ouais. Alors le truc, ce qu'il faut quand même noter, graphiquement, ce jeu est quand même, il faut pas charrier, est quand même très beau. Sincèrement, alors sur PC il doit être magnifique, mais alors sur PS4 déjà, il y a des effets de lumière franchement qui sont ouf. C'est pas comme Assassin's Creed où il y a une grosse flaque d'eau, tu regardes dedans et c'est le reflet correspond pas au bâtiment qui est. Alors ça fait bizarre au début, tu te dis attends, il je suis con quoi. Il est hyper beau. Il est mais là, beau, ouais. Ah ouais, il y a des reflets et des effets de lumière mais à tomber dingue. C'est clair. Vu qu'il pleut souvent et tout, parce qu'on est un peu sous les tropiques hein, quand même, il pleut beaucoup. C'est abusé hein, franchement. Mais même moi je vous le conseille parce que j'ai fait que jouer comme ça. Jouer avec la vue bas de caisse là, ça te permet de prendre un pied. Moi je suis vraiment pas jeu de bagnole pourtant hein, mais ça te permet de prendre un pied de dingue quoi, parce que l'impression de vitesse est vraiment géniale. Ouais, moi je l'ai pas trouvé ouf moi. Et puis mais moi j'ai trouvé ouf, puis même au-delà de cette vue là, les plans caméra quand tu driftes etc sont assez originaux quoi. C'est assez ils sont hyper bien réalisés, le fait que bah quand tu driftes la caméra qui est censée être derrière la voiture se mette au niveau de ta jambe gauche si tu driftes vers la gauche. De un, ça te perd pas trop parce qu'il y a quand même voilà, ils savent manier une caméra sans que ça te perde. Et en plus de ça, ça rajoute un style qui est assez cool quoi. Vraiment. Carrément. Puis t'as vraiment la sensation de d'être vraiment à bagnole et de faire le drift quoi, parce que c'est assez chaud quoi. Ah ouais, bah moi j'ai fait un drift, le canapé il a tourné et tout. Moi ça me paraissait bizarre justement quand je regardais les trailers, je me disais cette caméra qui part sur le côté. Enfin, on dirait que t'as du mal. En plus, ça te, j'ai l'impression que ça te gêne la visibilité non, devant. Non, parce que déjà les drifts en général, ils durent pas très. Bon, la manière de drifter dans ce Need for Speed, selon les voitures, tout ça. Moi perso, j'ai acheté une deuxième voiture, j'ai pu quitter parce qu'elle driftait très bien. Et en fait, il y a deux types. D'une voiture à l'autre, c'est un peu hardcore. Après, la caméra dérange pas parce qu'il y a pas grand chose. Enfin, je veux dire, il y a pas de piétons, il y a pas d'autres voitures ou très peu. Mais si tu drifts dans un virage en S, bah, elle revient assez vite quand personne, même. Quoi. En fait, je dirais que, le problème avec ce jeu, c'est que, dans tout ce qui est course, dans tout ce qui est jeu de bagnole en soi, il est très bien, mais il y a plein de petits problèmes, en fait. Et des gros points plus. Yes. En fait. Eh ben, très rapidement, parce qu'on va être à la bourre. De toute façon, on peut déborder, c'est pas très grave. Ouais, je vois que Eiki, il a préparé une tartinette, il a bossé. On a bossé. Ouais, d'ores et déjà, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui nous écoutent en direct ou en replay, si vous voulez la suite, je le mettrai sur Facebook, mais sinon, faut cliquer sur les acoustiques. Vous avez la liste des émissions, il y a la voix du geek, un peu en dessous, il y a les acoustiques. Et donc, le mouchard prendra de 20h30 à la suite. Donc voilà, bref. Ensuite, on va parler un petit peu du gameplay. Parce que qu'est-ce qu'on y fait dans le jeu de course? En fait, il y a 5 types de conduite. Ils nous avaient un peu vendu le truc. Dans les anciens Need for Speed, en deux grandes entre autres, il y avait un truc qui me plaisait bien. Moi, c'était le dragster. T'avais le genre où tu devais passer les vitesses là. Ouais, voilà. Oh, c'était trop bien, c'était cool. Moi, j'aimais bien ça. Mais ça y est pas dans celui-là. Eh non, ça y est pas. D'accord. Donc là, on retrouve le drift. Tout simple, où on doit faire des points. Ouais. On a le drift en équipe, entre guillemets, où on doit rester groupé avec ses collègues. Ça, c'est une tanasse. Ouais, ça, parce c'est que, vrai. Bah, du coup, on se rentre dedans. Enfin, c'est, dès qu'on a un choc, le compteur de points s'arrête. Ouais. On a les courses bêtes et méchantes sur un circuit. On a des courses de vitesse. Aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Et on a le contre-la-montre où on doit passer des portes. Voilà. C'est assez classique en soi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas mis les courses de dragster. Moi j'avais trop kiffé. Moi j'aimais bien ça. Alors est-ce que c'est justement pas fait exprès qu'ils appellent juste les Tour Speed pour revenir un peu à la base avec quelque chose de simple, d'épuré et peut-être commencer une nouvelle série à partir de ça. Ouais, peut-être que ça va être un nouveau souffle. Qu'est-ce que tu veux faire de plus après? Après c'est un jeu de course voiture, enfin un jeu de course à proprement. Bah, franchement, à justement maintenant, tu reprends les bases de Need for Speed Underground 2, il y avait tout, je te dis, il y avait ce mode de jeu en dragster, la circulation était meilleure. Oui. T'avais oui. des, je crois, non, t'as, il faisait tout le temps nu aussi, je crois. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bah, voilà. Mais bon, là, tu pourrais mettre un cycle de jour, c'est pas très grave. Là, tu vois, ils partent de ça en se disant, les prochains, les gars, il y aura du jour et il y aura des gens. Grosse feature en DLC, mon gars, le soleil se lève pour seulement 8€. C'est un scandale. Non, mais dans le prochain jeu, ils te mettront changement climatique, il y a des piétons, changement d'acteur aussi. Environnement vivant, tu vois. Donc ça t'apportera, tu te diras ah ouais, comparé à celui d'avant, ça change beaucoup, c'est bien. Ouais, c'est sauf vrai. Sauf que bon, ouais. Ensuite, pour coller un petit peu à l'univers de Need for Speed, ils ont mis des flics. Ouais. Alors qu'ils sont cachés un petit peu comme en vrai. Ouais. Aux endroits où on s'attend pas où ils sont. Dans ils les sont, poubelles. En fait. C'est clair. Non, mais voilà, du coup, des fois, on roule, paf, ça flash. Tu fais, ah, j'étais beau gosse, j'espère. Tu vois, putain, mon mauvais profil. Attends, je fais demi-tour, je repasse, tu vois. Mais, et du coup, on se fait poursuivre par la police. Et donc, il faut qu'on les sème. C'est bon, monsieur. Bah là, c'est la cata. Ouais, en fait, à chaque fois, t'es obligé de les attendre. Ouais, alors, ah, oui, alors oui. Méfioté, hein, comme on dit, parce que au début tu les attends, mais un bout d'un moment, avec ma chérie, on s'est les sauvé. Au final, on a payé la bande, hein. Okay. Et bim, 15 000 ans en moins, quoi. Parce que pourtant, j'avais mis un moteur 16 soupapes sur ma Fuego. pourtant, on traçait non, pas mal, quoi. En fait, t'as deux indices, t'as une petite, t'as pas de flamme du tout, une petite flamme et deux flammes. Un peu comme les étoiles dans GTA, sauf qu'il y a moins d'indices là. Un peu comme les étoiles dans mes yeux. Et je peux te dire que ouais, quand ils sont au maximum, les flics ils te pètent trop les couilles, ils te lâchent plus. Hein. Yes, parce que moi l'IA, je l'ai trouvé bien débilos quand même. Au début elle l'est, puis après tu te retrouves avec 2-3 voitures derrière toi, t'arrives pas à les semer et tu finis souvent par payer l'amende quoi quand tu fais durer le truc. Après moi de ce que j'en ai vu, parce que j'y ai pas joué, mais c'est perturbant cette espèce d'éclairage que t'as quand t'es suivi par les flics. C'est vrai. Ah oui. Vu qu'il pleut tout le temps, t'as des flaques d'eau partout, la lumière. Elle se répercute sur toutes les sources d'eau qui peut. Ça te fait une espèce de clignotement rouge bleu là où. J'ai remarqué en plus que les petits malins pour te faire stresser encore plus. En fait, quand tu commences à te faire choper par les flics et quand tu montes d'un indice ou quoi. Ça fait des effets de lumière sur ta bagnole et derrière toi, ouais. Comme s'ils étaient juste derrière. Or, en fait, j'ai essayé, à un bout d'un moment, j'étais planqué, et ça a fait comme s'ils étaient juste derrière moi, alors qu'ils étaient pas. En fait, c'est juste un indice sur ton écran qui t'explique 2-3 trucs, mais une fois de plus, faut comprendre, et on t'explique pas forcément. Mmh. Mais c'est vrai que ça te fait bien stresser, parce que des fois, t'as l'impression qu'ils te collent au cul, alors qu'en fait, ils sont 15 km plus loin, quoi. Yes. Alors après voilà, en faisant toutes ces courses, on gagne de l'XP et évidemment là on passe à ce qui nous intéresse tous, le Jackie Tuning. Ouais. Alors bah, ça, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Alors moi ce que je reproche toujours un petit peu à ces jeux-là, c'est un peu comme Gran Turismo. Moi j'ai fait de la couverture, de la charpente. Moi, je suis pas mécanicien, tu m'entends? Ouais. Donc moi trifouiller l'arbre à cam et tout, c'est pas ça, mon délire. C'est exactement ce que j'ai mis dans les points en moins en fait, c'est que ok tu veux augmenter ton moteur. Dans Need for Speed Underground 2, pour prendre la ref de leurs opus d'avant, t'avais des kits de moteurs qui te permettaient de pas trop te prendre la tête avec la personnalisation. Parce qu'effectivement, là, c'est pas un jeu de course, c'est un jeu de course street. C'est différent. T'as deux types de Need for Speed, une fois de plus, tu vois. Et là, c'est vrai que je suis arrivé à chaque fois, j'arrive dans ces menus-là, et là, je fais, ok, je fais quoi? Je comprends rien. C'est trop pour pousser pour ouais, voilà, toi, ce que tu veux, c'est juste mettre améliorer kit, ta bagnole. C'est ça, à la limite, quoi. Tu veux améliorer tes roues, tu veux améliorer ta nitro, tu veux améliorer ton moteur. Ok, mais rien que pour le moteur, t'as trois trucs différents, ouais. Etc. La et transmission, effectivement, pour les mecs qui kiffent les bolides, etc. Ils doivent trop prendre leurs pieds. Mais c'est vrai que du coup, ce serait bien qu'ils remettent en place des kits en fait de moteurs et tout qui étaient vachement plus simples quoi. C'est vrai. C'est pas pour le grand public quoi. L'angle de braquage, de trucs, de machin, t'as 4 réglages pour les freins. Enfin bon, c'est un truc plus simple. T'améliores tes freins quoi. Et si ça freine mieux, ça freine moins bien. Et puis même au niveau de la customisation, je trouve que c'est. La costumisation. La customisation. C'est les voitures, tu leur mets des costumes. Alors, au niveau de la customisation. Ah mon copain, il y a même pas une caravane qui draine dans le garage, mon copain. Bah, c'était déçu. Après, une fois de plus, ouais, pour la customisation, j'ai encore joué hier, on était niveau 25 je crois. Et c'est un peu galère la customisation. Bah, en fait la progression est galère, c'est-à-dire que je suis niveau 25 et j'ai que 2 caisses, ça fait plus de 10 heures que je joue quand même. J'ai que 2 caisses, niveau personnalisation, je peux vite fait changer la couleur de ma caisse la couleur des vitres et mettre des stickers un peu partout de très mauvais goût. Mais à côté de ça, apparemment, comme dans tous les Need for Speed, tu dois pouvoir débloquer des néons sous ta caisse. Non, tout. Alors il y en a pas de néons. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question, il y a pas de néons dans cet épisode. Oh, c'est pas du Jackie Tuning. Ça. Et c'est vrai que finalement, je me suis retrouvé niveau 25 et ouais, tu peux customiser ta caisse en lui mettant effectivement des gros stickers de tête de chat réaliste dessus. Mais niveau néon et tout, moi je les ai toujours pas débloqués quoi. Mais pour les débloquer, faut t'accrocher. Quoi. Les néons, ils y sont pas dans le jeu. Moi j'ai trouvé très dur. Moi j'ai trouvé hyper facile au contraire. T'arrives premier à toutes les courses. Avec 30 secondes d'avance quoi. Putain, ouais, j'ai dû. Mais c'est vrai en plus, facile alors. Normal. Quand t'as la manette dans les mains et que tu veux rouler, il faut enlever le doigt où il y a le frein en fait. Ta gueule. Vraiment pour des cons. Hein. Non mais attends, on était trois, on a tous les trois grave galéré. Hein. C'est que vous êtes des pipes. Ouais, non mais en soi, moi je peux concevoir que je suis une grosse merde dans les jeux de voiture. Il y a un niveau de difficulté ou pas? Non, non. Bah après, tout dépend de la voiture que t'achètes. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé hyper compliqué. J'étais rarement premier, en fait. honnêtement. Alors, apparemment, il tourne avec une Ford Fiesta avec des ailerons en carton, il m'a dit. Hein. Avec des stickers de chat. C'est la voiture Samina Série, en fait. Trop pas. Donc voilà, on ramasse de l'XP. Sur la map, il y a quelques petits trucs à faire. Il y a des photos à prendre. On met sa voiture au car wash. Au car wash. Et puis genre, ça fait regarder comme c'est joli l'éléphant bleu. Il y a des pièces qui traînent aussi de bagnole. Ça rappelle beaucoup The Crew. Oh, les donuts, faut que j'en parle. Ah, bah vas-y. Alors ça, c'est, je sais pas ce qu'il leur a pris. En fait, t'as des points sur la carte où quand t'arrives à ces points-là, faut ramasser un donut. Alors moi déjà, pendant 10 minutes, chercher les donuts par terre. Parce que je savais pas ce que c'était, il y a marqué ramasser les donuts, tu vois. Et en fait, il s'avère que sur ces points-là, faut que tu fasses un drift en fait en forme de donuts. Et il y a à peu près 70 points sur la carte où faut faire des donuts, donc ramasser les donuts. Et ce qui est trop marrant, c'est que pour chaque point sur la carte, il te donne un goût de donuts bien dégueulasse en fait en haut à droite. C'est-à-dire que par exemple, t'as donuts bacon érable. T'as donuts chocolat cœur caramel. T'as donuts bah, chocolat cœur caramel, ça se tente. Ouais, bah, j'ai compris cuir caramel. Je te dis, chocolat sur un donuts, c'était le donuts beurre enrichi. Ouais, il fallait rapport. Le donuts beurre enrichi m'a limite donné envie de gerber. Le burger cuir moustache. Je sais pas ce que c'est que leur délire avec ça, mais voilà, tu dois ramasser des donuts, donc faire le des donuts fourrés au caca. Et ouais, t'as des goûts trop improbables, quoi. Crumble pomme jambon, tu vois, ce genre de truc. Oh, bah, en pleine idée qu'elle est bonne. T'es un tiramisu à la moutarde. Si tu fais arrêtez, je vais faire comme Nana dans le tram. Entre les mecs qui veulent se la jouer street et les mecs qui trouvaient ça drôle de mettre des noms de donuts, tu sais plus trop où donner de la tête par rapport à l'ambiance, c'est vrai. Ouais, c'est clair. C'est bon, voilà. Si t'as des choses à rajouter, on peut conclure sur les plus, les moins de chacun. Moi, je veux bien faire les plus, les moins, mais je tiens juste à dire que même si je regarde dans ma liste, il y a à peu près autant de plus que de moins, ça reste quand même un assez bon jeu, hein, vraiment. Les plus, c'est des gros plus, et les moins, c'est des petits moins, parce qu'on, voilà. Non, c'est une bonne mouture. Eh ben, écoute, vas-y, je t'en prie. Mais dans les plus, du coup, il est beau, voilà. Faut le dire. Il est quand même super beau, hein. Nous, on devait être pas frais parce qu'on a mis deux fois sensation de vitesse à la suite. Ça veut dire que ça va deux fois plus vite, mon pote. C'est, bon, voilà, sensation de vitesse cool, surtout en vue un peu à la première personne. Nous, surtout en roulant. C'est ça, c'est. C'était génial, ça. En roulant, t'as fait vroom vroom. C'est ça. Et c'est quoi ça, sensation de vitesse? De quoi? C'est quoi ça, sensation? Bah, c'est rien, c'est que t'as vraiment l'impression que c'est rapide. Ah, non, je croyais que tu disais que c'était un truc qui s'activait dans le jeu. Ah, il pensait qu'on parlait des produits laitiers, des sensations pures. Exactement. Voilà, j'ai appelé l'Infernal alors qu'il était en train de faire du babysitting, je crois. Oui, c'est vrai. Pour lui demander de comment on fait, en fait, pour enlever la musique, parce qu'ils disent que il y a le touchpad et apparemment faut glisser sur le touchpad. On n'a jamais réussi. Hein. Ah, mais j'ai pas essayé, On n'a jamais réussi, on a cherché pendant une heure, impossible d'enlever cette putain de musique Art Tech House de merde. Je suis désolé, hein, j'aime beaucoup le jeu, mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le son, on a mis de la musique à côté, comme m'a conseillé l'Infernal, parce que j'étais en train de péter un plomb. Mais voilà, donc sensation de vitesse vraiment cool, les plans caméra aussi qui sont assez originaux. Et voilà, ça fait le bon jeu de course. Dans les moins, les poteaux en carton, il y a un moment aussi où les mecs, que ce soit dans GTA, dans n'importe quel jeu où t'as une bagnole, faut arrêter de croire que quand tu fonces dans un poteau, il se décroche du sol. Ça, que tu sois à 300 km/h ou à 50, quoi qu'il arrive, tu te le payes, tu le poteau. Même en calèche, c'est pareil. Voilà, et ça te coupe net, hein. Faut arrêter de transmettre cette légende urbaine du jeu vidéo. Ensuite, les cinématiques qui sont méga craignos, comme les dialogues. Fait que la map soit assez vide et petite le temps qui fait n'importe quoi et qui reste tout le temps en nuit, et les menus custom qui sont beaucoup trop galères au final, voilà. Et ça fait partie des moins, il y en a beaucoup, mais ça fait pas de l'expérience vidéoludique, ça m'empêche pas de jouer quoi. Et de profiter du moi, jeu franchement j'ai quand même vraiment kiffé ce jeu, quoi. Mais c'est vrai que Il vient de l'acheter. C'est ça. En fait, je leur avais prêté pour qu'ils testent dans l'émission, et ils viennent de l'acheter. Ouais. Plus pour ma chérie que moi, parce que moi, après les jeux de course, c'est pas trop mon truc. Mais Justement, c'est ça le truc, c'est que moi, je suis pas du tout jeu de course, en fait, surtout. Ah, que le seul jeu dans ma jeunesse que j'ai kiffé à part les Mario Kart, j'y compte pas vraiment là-dedans, c'est le Need for Speed Underground 2 que mon grand frère avait, et j'aimais bien le tâter de temps en temps. Là, franchement, j'ai bien kiffé conduire, j'ai bien kiffé apprendre à drifter. Du coup, pour moi, c'est une méga réussite parce que je suis vraiment pas dans ce genre de jeu-là en plus, quoi. Yes. Voilà. Et toi, Goustic, c'est à peu près les mêmes ou vous avez noté les mêmes? Non, on a noté les mêmes. À peu près les mêmes. Bon, jeu d'acteur, Energy 12. Ensuite, le graphisme, c'est très beau. La playlist, trop électro, tue l'électro. Et ça que j'aime bien dans les anciens Need for Speed. Qui parle en morse ce soir. Non mais dans les Need for Speed c'était assez varié, tu vois, il y avait du Snoop Dogg en mixé avec du The Doors, après t'avais du punk rock californien. Ouais, puis c'est de mauvais goût en fait là. Encore une fois, c'est que je crois qu'il y a une espèce de communauté de direction artistique derrière qui voulait se la montrer jeune, mais faut arrêter de croire que tous les jeunes parlent avec des hashtags, que tous les jeunes écoutent Dark Tech et que tous les jeunes de l'art tech. Ouais, ou Dark Tech, tu sais, le mec qui fait de l'art tech dégueulasse là. Et et tous les jeunes ne sont pas comme ça, et je dirais même qu'il y a une minorité de jeunes, même s'ils achètent Need for Speeds, qui sont comme ça. Donc niveau communication, ouais, gros problème aussi quoi. Yes. Bah moi du coup j'ai bien aimé dans les plus, hein, j'ai trouvé vraiment beau aussi, je vais pas répéter ce que vous avez déjà dit. Et moi ce que j'ai bien aimé c'était que c'était fun tout de suite. C'est vrai. Tu vois, le premier soir où je l'ai lancé, il y avait Greg et Delphine à la maison que j'embrasse, et Delphine l'a essayé. Et pourtant elle joue pas trop aux jeux vidéo et tout, et ben tout de suite elle a trippé quoi, tu vois, t'accélères, tu freines point quoi, tu ouais, vois. C'est ça. Et c'est... ça c'est cool. C'est quand pas même. Comme Guitar Hero. Nia nia nia nia. Je te mute ton micro jusqu'à la fin de l'émission, voilà, ça sera bien. T'as pris cher. Ah là là. Non, c'est vrai qu'il est assez arcade. Je t'ai bien baisé la gueule. Prends mon micro s'il te plaît. Il est assez arcade et ça c'est plaisant. Ouais. Carrément. Après dans les moins, bah j'ai trouvé très vide, assez répétitif mine de rien, même si ça reste un jeu de voiture. Comme le disait Raptou tout à l'heure, le mec qui suit des streams, il regarde un stream tous les 3 jours, il pourrait croire qu'on fait toujours la même course, c'est qu'il vrai, fait c'est nuit. Vrai. Il l'a toujours pas fini. Vu que la map est petite, t'as plein de bouts de circuit en fait, parce que en fait, la map sur laquelle t'es en open world, c'est la même map sur laquelle tu fais les courses. Et du coup, ouais, t'as des bouts de circuit dans d'autres bouts de circuit et tout, du coup, t'as souvent une impression de déjà vu, vraiment craignos, quoi. Carrément. Et puis les cinématiques. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait le garage de Need for Speed, c'est un vrai garage qui a été filmé. Sauf qu'ils ont rajouté nos voitures en dedans. Tracking, ouais. Alors ça donne un petit côté Roger Rabbit, c'est un bel effet. J'aime beaucoup. C'est vrai que ça fait un peu ringard. Ah ouais, on y croit mais pas ça marche pas mal au final. Parce que moi un truc qui m'a un peu marqué, c'est quand tu sors des cinématiques irréelles, on va dire, avec des vrais acteurs, tout de suite, et ben pendant les quelques secondes qui arrivent quand ta voiture sort et que tu te retrouves dans la rue, ton cerveau il a pas encore capté que c'était pour de faux. Ouais, vous voyez ce que vrai. Je veux dire ouais. Et si t'as les lumières qui vont bien, tu pourrais presque croire que c'est réel. Quoi. Puis même quand tu commences une course, quand tu commences une course, t'es pas à l'arrêt en fait, t'as une petite cinématique stylée où t'es déjà en train de d'aller vite en fait pour commencer la course. Ouais, t'as un dynamisme pareil, t'as des plans de caméra qui vraiment donnent un aspect assez joli et puis dynamique ouais au jeu, et ça c'est bien parce que derrière tu sens qu'il y a des mecs qui ont assuré à ce niveau-là. Quoi. Yes. Après juste pour conclure parce que là on est si un truc qui m'a gonflé, c'est qu'il y a des endroits sur la carte pour aller chercher les courses, tu te mets en dessous, t'appuies sur R1 pour la lancer, t'es sur le point, ça te dit vous êtes dans le mauvais sens. Ah ouais, donc t'es obligé de faire demi-tour. Ouais. Ça va les mecs, surtout quand t'appuies sur R1, t'as une cinématique. Surtout dans un rond quoi. Du coup. Ah oui, c'est clair. Surtout qu'il y a une cinématique qui te met la voiture dans le bon sens quoi. Ça va les mecs. Ah et pour tous les flemmards, ça clignote un en petit rouge. Conseil sur la carte, vous pouvez vous téléporter. Ah, il y a des avances rapides. C'est ouais, parce que moi j'ai découvert ça hier seulement. Ah bon. Et ah bah moi je me sers que de ça quoi. Parce que en gros t'as un point et il y a marqué itinéraire. En fait là si tu vas vers la gauche t'as une autre icône avec marqué téléportation. Et d'ailleurs tu vas vers la gauche mais avec le stick tu fais vers la droite. Ouais. T'as remarqué vrai, que c'était inversé. Ouais. C'est ça, chelou c'est, ça. Ouais, c'est bizarre. Mais après je trouve ça nul qu'ils aient mis ça en fait parce que aller d'un point assez loin tu t'en fous en fait parce que de toute façon c'est un jeu de voiture et t'es là pour conduire. Et du coup la téléportation je trouve que ça enlevait un peu du côté faut se déplacer quoi. Ouais carrément. Puis du coup bah ça réduit un petit peu la durée de vie mine de rien. C'est sûr. Parce que tu fais comme dans Fallout, tu fais plein d'allers-retours. Ouais, au final, tu te téléportes, tu vas chercher l'objet, tu sors de l'immeuble, tu téléportes. C'est comme si dans Skyrim, tu utilisais tout le temps la calèche pour te déplacer. En fait, c'est dommage du coup parce que tu as moins d'aventure, quoi. Yes. Bon, en tout cas, c'est un jeu qu'on vous conseille. Enfin, ouais, voilà. Carrément. Attendez peut-être qu'il baisse un peu. Ouais. L'acheter comme ça, 69€, ça pique un peu. Ça pique, j'avoue. Alors, ils ont quand même annoncé qu'il y aurait des DLC gratos. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis donc même ça... globalement, c'est pas de mauvais goût parce que tu vois, pourtant c'est EA, hein. Ouais. Mais entre Assassin's Creed où quand j'y ai joué direct, il me proposait d'acheter des équipements avec du vrai argent. Et là, il y a pas une seule fois où c'est pas mercantile du tout quoi. On te demande pas, tiens, achète ça si t'as la flemme de le faire et tout. Ouais, là pour le coup, ils sont un peu restreints sur les micro-paiements, j'ai l'impression. Yes. Bon ben voilà, j'espère qu'on vous a aidé à faire votre choix. On est carrément à la bourre, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Pour l'instant, on peut se le permettre. Bah merci Dandy, merci Goustique, merci Eki. De rien. Merci. À la semaine prochaine. Puis merci Raptou d'être venu. Oui, pas de souci. On te retrouve où Raptou ? T'as Facebook, Twitter, Twitch. Twitter et Twitch. Eh ben vas-y, balance. Sur Twitch, du coup, c'est Raptor_MS. D'ailleurs, ce soir, je pense que je vais streamer un petit coup sur Fallout. Et après, sur Twitter, c'est exactement la même chose. C'est Raptor tiré du bas, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris le underscore, tiré du bas, MS. Voilà. Donc, j'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux, mais j'utilise que celui-là. C'est beaucoup plus simple. Et puis après, surtout sur Twitch, quoi. Voilà. Yes. Bah merci en tout cas d'être venu nous voir, ça fait plaisir. Merci à vous, c'était cool. Et puis on fera ça. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en train de voir pour vous streamer la radio tous les mardis sur Twitch, sur la page Twitch. Ouais. Là, il y a encore du gros qui arrive à niveau stream ce soir. Oui, suivant ce soir. Oui. La patate. Bon, quoi qu'il arrive, Goustik et Bibine seront là pour vous streamer du Call of. Oui, Bibine, on aime bien ça. Non, mais ça va être juste magnifique parce que les FPS, c'est pas mon truc. En plus, Bibine est chaud à se mettre en vétéran direct. Ah oui, alors ah oui, là, c'est en mode vétéran, tu vois. Donc vers 23h minuit, il y a du stream sur la chaîne Twitch de La Voix du Geek. Ça va être nuit blanche ce soir. Nuit blanche Call of Duty, je vous le dis. Oh la vache. Bon, je vais voir, moi, ça va dépendre. Parce que je commence à fatiguer, je stream depuis 8h ce matin. Oula. Eh ouais. Ben moi, je vais streamer pendant 8h. Et puis demain, c'est férié, on verra. Et puis jeudi, retour des streams. De toute façon, mardi prochain, on se fait le test de Call of Duty Black Ops 3. Ouais. Donc, on va vous le streamer comme des cochons sur la page, que ça soit du multi, du zombie et de la campagne. On se retrouve la semaine prochaine. Bah oui. Yes. Allez, passez une bonne soirée à l'écoute d'Ode Radio. Juste après le jingle, il y a Boss Capone. Je connais pas, mais alors je dis plus que c'est du bon son parce qu'à chaque fois c'est une casserole. Ça se trouve c'est de l'accordéon là, donc pas longtemps. C'est ça. Bon, en tout cas, restez bien sur O2. Il y a du bon son qui arrive. Vous verrez bien. Bisous, bye bye. Bisous, bisous. Ciao. Vous écoutez Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne sur 91.3 FM.